Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, un garage, playtest, garage, on ne sait plus très très bien. On est un peu perdu dans nos émissions. Justement, avec, on espère que comme ça, on le saura un petit peu mieux. Plus. Alors justement, Flavie est avec nous. Flavie, ça va, la pêche, la patate? La banane. La banane, c'est très bien. Camille est avec nous également. Camille, ça va? Bonjour. Une nouvelle voix sur le podcast de La Cellule. Une toute petite voix. Toute petite voix. Oui, une petite voix. Ouais. Voilà. Manu est avec nous également, Manu. Oui, moi ça va, j'ai une ça voix. Ça va, la pêche? Normal. Ça fait très plaisir de te retrouver, Manu, sur le podcast de La Cellule. Puis tu es venu avec un ami dans ta sacoche. Il s'appelle Nicolas. C'était une très grande aussi sacoche. Appelé le Grumpf. Le Grumpf est avec nous sur le podcast de La Cellule et c'est lui qui va passer le playtest avec un nouveau jeu qui s'appelle Oltré. Oltré, Nicolas, est-ce que tu veux nous le présenter et comment tu vas nous le présenter? C'était la question qu'on se posait en préparation de ce podcast. Et tu as commencé d'entrée de jeu par nous faire une phrase du genre un truc qui émerge, j'ai pas tout compris. Ça peut être un truc dans un monde émergent avec une structure j'ai rien compris. Alors, retenu deux, trois mots. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Oltré? Alors, Oltré, la phrase qui a dû vous choquer, c'est un jeu participatif dans un monde ouvert émergent. Mais ça, on pourra y revenir plus tard. C'est ça. C'était juste une manière de définir en trois mots les trois points essentiels du gameplay. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors déjà, tu nous as distribué des polycopiés, c'est-à-dire on est en classe, on a un gros polycopié avec plein de trucs dessus, on a une fiche de perso à rallonge. Eh, ça veut dire quoi, Oltré, déjà? Tu nous as... Alors, Oltré, c'est un mot de l'ancien français, attesté 12e siècle selon le Littré, qui signifie en avant, hardi, enfin, c'est une exclamation, une interjection. Oltré! Voilà. Et je pense que ça doit pouvoir se rattacher d'une manière ou d'une autre à l'appel des pèlerins de sur la route de Compostelle, qui se lancent Oltréia. Et qui est l'appel des pèlerins et qu'on retrouve notamment dans des enregistrements de Jordi Chaval on retrouve ce nom-là. D'accord. dans les titres. Alors qu'est-ce qu'on joue dans Oltré? Quel est l'univers du jeu? Qu'est-ce qu'on joue? Comment est-ce que tu vas nous faire jouer? Alors Oltré, c'est ma tentative personnelle de faire du old school renaissance en mode sandbox, c'est-à-dire en mode bac à sable. J'avais envie de ça. S'il y a des gens qui ne connaissent pas grand-chose, tu viens de balancer old school renaissance en mode machin. Si j'ai pas l'habitude de voir ce genre de machin, j'ai envie de te dire que. Alors, le old school renaissance, c'est quoi? C'est une espèce de mode qui est apparu il y a quelques années de ressortir, grâce aux licences OGL. Licence OGL. Alors Open voilà. Game licence. Open Game licence. Donc la licence des vins de Wizard of the Coast qui avait autorisé des éditeurs tiers à utiliser les règles de D&D 3 pour sortir du matériel et etc. Donc c'est l'équivalent d'un GNU pour le jeu de rôle. Alors GNU c'est un petit peu Linux. Il essaie de communiquer. Je comprends pas. C'est le logiciel libre du jeu de rôle en gros. C'est, exactement. Et il en fait exprès là. Il est facétieux. Oui, j'ai regardé le petit œil qui frise. C'est juste que en fait, je me rends compte que voilà, à force de te traîner sur les forums et d'utiliser ce genre de moi, je te like. Parce que moi, quand tu parles de GNU, j'imagine un truc qui vit en Afrique. Ouais, c'est GNU. Ouais. Voilà. Ouais, mais bon, voilà, bon. C'est des définitions. Après, j'essaie d'utiliser des mots qui sont précis et forcément, c'est un peu comme si un médecin commence à vous causer de trucs et de machins incompréhensibles si t'as pas fait 6 ans des langages hermétiques. Tout à fait. Voilà. Donc, je suis désolé. C'est moi où on digresse là, à fond là. Ah, si, mais on digresse. Oltré, mon Dieu! Voilà. Bon, bref, on revient sur le truc. Donc, l'idée du old school, c'était que un certain nombre de personnes ont commencé à sortir à ressortir les vieilles règles des bouquins de Donjons et Dragons, Boîte Rouge ou AD&D 1, AD&D 2, donc les trucs old school, ouais. Ce qui est appelé old school, grâce à ressortir du matos, du matériel de jeu, des scénarios, des campagnes, etc., et des règles de jeu inspirées voire carrément copié de ces jeux-là, mais où chacun pouvait travailler dessus et en faire sa version personnelle et la mettre à disposition du public ou la vendre grâce à la licence OGL. Et donc il y a eu tout un mouvement qui s'appelle le mouvement Old School Renaissance. D'accord. Desquels sont sortis Sword and Wizardry, Boîte Blanche, Lamentation of the Flame Princess, des choses comme ça. Des ça a à voir avec le rétro-clone, ce qu'on appelle le rétro-clone. C'est tout ce qui est le rétro-clone, tout ça, c'est ça. Voilà. Alors après, à l'intérieur du Old School Renaissance, on a les néo-clones, les rétro-clones, les machins. Là, d'accord. Je vous renvoie à l'article qui est sur le Grog, qui a été écrit par un spécialiste du genre, qui a fait une espèce de topologie du Old School Renaissance. Voilà. Et voilà. Et moi, amateur de Donjonverse depuis le début, enfin depuis la boîte rouge dans les années 80, au début des années 80, j'avais envie. Enfin, j'ai toujours aimé jouer là-dedans, Nicolas. J'avais pas forcément envie de me retaper les règles d'ADD1, d'ADD2, parce que c'est juste super lourd, super chiant et inutilisable. Par contre, j'aime l'univers, j'aime la mythologie qui est associée, j'aime l'ambiance, etc. Et ça a un côté Madeleine de Proust pour un rôliste. Ouais. Puis au-delà de ça, c'est moins une Madeleine de Proust parce que finalement, je me rends compte que je joue beaucoup plus dans les codes que j'y ai joué à l'époque et j'ai fait beaucoup plus de finalement de Donjonverse aujourd'hui que j'en ai jamais fait dans les années 80 puisqu'on était parti sur d'autres trucs, on jouait à plein d'autres choses. Puis surtout, on n'avait pas les codes à l'époque. Il n'y avait pas de justement l'intérêt après 20 ans ou 30 ans de jeu, c'est d'avoir appris ces codes et de les avoir intégrés et de les ressortir mais sous une autre forme ou avec un peu de maturité et des questionnements divers. Exactement comme on pourrait le faire en littérature pour certains styles littéraires dont finalement on devient coutumier et qu'on va critiquer et qu'on va référencer, se servir pour avancer, faire autre voilà, chose. C'est ça, on se sert de vieux trucs. On s'appuie sur les épaules des géants pour créer nos propres... C'est ce que j'allais dire, on est tous des nains et on grimpe le plus haut possible. C'est une démarche qui est super intéressante de revisiter l'histoire en fait du jeu de rôle. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait de la merde, j'ai dit une grosse bêtise. Et donc voilà, et donc à partir de ça, donc je voulais faire du old school. Et puis, moi, il y a quelques années, j'ai découvert le sandbox, même si c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps, mais j'ai découvert ça avec la boîte des Wilderlands of High Fantasy. J'ai fait une campagne pendant un bon moment dedans. J'avais un bon groupe de jeux, qui a fini par exploser, mais on a joué autour de Damkina, on explorait les hexagones, il se passait des choses. Et moi, en tant qu'MJ, j'étais juste guidé par les descriptions de quelques hexagones ici et là, et je remplissais les trous. Voilà. De la façon dont tu me l'as présenté en préparation de ce podcast, j'avais l'impression que c'était un petit peu comme un tactical RPG. Non, c'est quand on causait de DD4, ça. D'accord, ok. Old Train n'a vraiment rien, avec ça. D'accord. Alors, juste faire une petite précision pour les gens qui ne connaissent pas le terme sandbox ou bac à sable. Et je vois Flavie qui me regarde avec des yeux désespérés. Oh non, arrête le bac à sable. Je connais, mais en sandbox, je suis désolée. C'est la traduction littérale de bac à sable. En jeu vidéo, on se référera à un GTA. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un univers ouvert où on peut explorer ce qu'on veut. Et où il n'y a pas une trame narrative déjà fondée, c'est vraiment tout. Il y a des choses qui existent, il y a des éléments, il y a des accroches, et puis les joueurs sont libres d'aller où ils veulent. C'est l'exemple typique de jeu où le scénario est généré par les joueurs et par leurs envies et par les envies qu'ils ont d'emmener des personnages à tel ou tel endroit, leur et pas par le meneur qui va décider de les emmener directement. Oui, je suis navrée, Romaric, que comme on utilise généralement les termes français, je n'ai pas reconnu. Bac à sable et toboggan, nous c'est comme ça. Mais c'est deux termes. Le toboggan, c'est la campagne de l'Orient Express en Hack Toulouse. C'est-à-dire que tu es sur des rails et tu vois en fait le scénario tel que le MJ l'a prévu, mais t'acceptes en fait. Le contrat social, c'est que t'acceptes d'être dans un toboggan et que tu vas en prendre plein la gueule. C'est Sens aussi. Sens, mon jeu, c'est du toboggan. Okay. Mais tu peux pas trop dériver de l'histoire principale, quoi. Du coup, t'acceptes. Moi, en tant que joueur, je déteste pas les toboggans. Enfin, ça peut être marrant. Je déteste vraiment pas ça. En tant qu'MJ, je suis juste incapable d'en écrire. Ouais, d'accord. Ou même d'en maîtriser, hein. C'est-à-dire que je peux essayer, mais ça marche juste pas, quoi. Le meilleur exemple, c'est un scénario Cassius Belli, un truc classique, toi, en 6 pages, avec 3 actes, machin. Ça se joue en 4 heures. Si, ça se joue en 4 heures normalement, un truc, un scénario comme ça. Moi, je le fais traîner sur 20-25 heures de jeu, un gros week-end. On commence le vendredi, on finit le dimanche soir. Mmh. Et encore, on n'a pas fini le dimanche soir, quoi. C'est-à-dire que parce que je rajoute des trucs. Si les joueurs ont des envies à droite à gauche, ils partent par là. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que finalement, Oltrey, c'est un jeu aussi qui correspond bien à ta façon de maîtriser en règle générale le jeu de rôle. C'est-à-dire que toi, de base, en tant que MJ, t'es vraiment amateur du bac à sable, quoi. Tu laisses tes joueurs tels des rats dans une expérience de laboratoire. En fait, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en réalité, Oltrey, c'est au-delà d'écrire un jeu dans cette ambiance-là, etc., c'était aussi une recherche pour trouver des outils qui me permettent de renforcer ma manière de jouer et qui permettent aux joueurs d'assumer cette manière de jouer. Comment je pourrais dire ? Non, mais je vois très bien. De rentrer dedans et d'accepter le truc par des modes de gameplay. C'est vraiment pour il est game designé pour jouer à ta manière de jouer. C'est clair, pas de la rustine appliquée sur un système qui ne serait pas adapté pour ça. Là, tu fais vraiment un système adapté à ta manière de maîtriser. Ouais. Non, mais je te suis, je pense que nos éditeurs également, ils ont l'habitude. Très bien, très très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter quand même l'univers un peu ? Est-ce que Oltrey, on sait un bac à sable. Ouais. Alors Oltrey, c'est un univers qui est dans le bouquin, qui est décliné, en gros, il tient en deux paragraphes. Et ensuite, il y a des petits éléments ici et là qui apparaissent dans les règles, qui permettent de cadrer un peu plus les choses. Mais l'idée, c'est de proposer un univers très, très déterminé, mais dans lequel j'ai pas forcément esquissé les détails, parce que les détails viendront avec les joueurs. D'accord. Donc, on est dans un monde médiéval, d'un niveau médiéval fantastique, il y a de la magie. D'un niveau technologique proche, je dirais, et social proche de la chute de Rome, 5e, 8e siècle. L'Empire est tombé. L'Empire recouvrait le monde, dirigeait tout de manière sage et ordonnée. Il y avait des institutions politiques, donc il était organisé en satrapie. Il y avait une culture impériale, etc. Ouais. Et l'Empire est tombé parce que après une longue décadence causée par une guerre contre le roi sorcier. Donc le roi sorcier, qui est un prêtre du père des monstres. Une espèce de divinité, la divinité maléfique du monde, la divinité qui crée des monstres uniques, etc. Et le père des monstres, c'est vraiment c'est une espèce de divinité, C'est pas du Nagash, quoi. C'est vraiment une sorte de dieu, quoi. Mais c'est une divinité inconsciente, enfin au sens où tu vois, c'est pas comme les dieux dans les royaumes oubliés, etc., qui ont une conscience, qui ont une existence, etc. Là, c'est plus une espèce de divinité cthuléenne, lovecraftienne, quoi. Multifacette, comment je pourrais dire, ouverte, enfin, c'est un concept, c'est abstrait, c'est un concept, abstrait, ouais, c'est plus un concept, quelque chose. Mais c'est voilà, quand il y a des monstres qui arrivent, on dit qu'il a été créé par le père des monstres, mais au final le père des monstres n'est pas forcé d'exister. C'est quelque chose d'abstrait auquel on fait référence, sauf que dans le monde, pour tout le monde, le père des monstres existe, mais il n'a pas une existence, c'est même pas une allégorie, quoi. C'est quelque chose, quoi. D'accord. Et qui ne fait d'ailleurs partie d'aucun des panthéons humains ou féeriques, qui est en dehors de tout. Et donc, à une époque, un roi sorcier s'est opposé à l'Empire et a déclenché une guerre monstrueuse contre l'Empire. L'Empire a fini par gagner, mais il a laissé toutes ses forces vives, toute son énergie, toutes ses capacités. Et à partir de là, ça a été juste une longue descente, une longue dérive dans la décadence et vers l'oubli, la ruine, jusqu'à ce que les derniers coups de boutoir soient donnés par les invasions cavaliers, donc des peuples nomades, éleveurs, cueilleurs, chasseurs, qui ont commencé à déferler venus de l'ouest et à envahir les régions qui étaient redevenues sauvages et entre les zones impériales. Et finissant ainsi de détruire l'unité impériale, quoi. Donc on est dans cette espèce on est dans un univers à technologie très basse, avec une culture qui est en train de complètement disparaître, avec tout ce qui faisait l'unité, c'est-à-dire les routes, les autorités, l'autorité, etc., a disparu, laissant les régions indépendantes les unes des autres entre les mains. C'est une période d'obscurantisme, en fait. Oui, plus ou moins, ou en tout cas les gens survivent comme ils peuvent, ou se reconstruisent autrement, enfin inventent de nouvelles C'est pas forcément sombre, au sens où il n'y a pas le chaos, il n'y a pas, pas forcément. Ça dépend des régions, ça dépend de ce que le MJ a envie de raconter comme histoire et les joueurs. Ça peut vraiment changer en fonction de l'approche. Justement, c'est très libre à ce niveau-là. Mmh. On peut parfaitement jouer dans une région qui est en train de se reconstruire, qui est très dynamique, qui est très active, avec des choses qui se, avec des autorités très puissantes, ou alors jouer dans des régions extrêmement sauvages où il y a des seigneurs de guerre qui se foutent sur la gueule, des brigands, etc. Ça peut, c'est vraiment un choix que le MJ peut se donner quand il crée son petit bout de son petit coin de son petit coin de jeu. Ça roule. Et du coup, qu'est-ce qu'on joue en tant que PJ ? Alors, en tant que personnage, on joue des patrouilleurs. Alors, la patrouille, c'est quelque chose qui existait à l'époque de l'Empire. C'était un des fondements de l'organisation impériale. Ouais. C'était les gens qui étaient chargés par l'empereur de surveiller les routes, de voyager partout, de patrouiller, quoi. Ouais. C'est les Rangers du Nord. grosso modo, ils allaient ici et là et ils réglaient les problèmes du mieux qu'ils pouvaient pour, enfin, dans un côté assez altruiste et assez c'est le FBI. Ouais c'était mais c'est vraiment ça, c'est le côté FBI les Rangers. C'est vraiment les Rangers du Nord. Ils sont là pour patrouiller, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, ils chassaient les monstres, ils réglaient les problèmes, ils servaient de diplomates entre les communautés, ils enquêtaient, ils faisaient des audits sur les satrapes ou sur l'administration impériale locale, ils menaient des enquêtes pour contre la corruption, ils faisaient tout le boulot qu'on pouvait attendre de gens qui tentent de maintenir la civilisation, mais dans le bon sens du terme. Un côté, voilà. Un côté justicier, quoi. Un côté organisateur, civilisateur. Je dirais même plus un côté PJ. Un côté très PJ. Clairement, les patrouilleurs, et c'est indiqué clairement dans le jeu, les patrouilleurs sont bons. Sont bienveillants. D'accord. On ne joue pas de méchants dans Oltré. Mmh. On joue des gens qui ont des responsabilités. Après, qu'ils vont les assumer plus ou moins bien, ils vont aller au bout de leur truc ou pas, ils vont se laisser corrompre ou pas. Ça, c'est le jeu qui va le dire. Mais à la base, quand le jeu commence, les patrouilleurs ont une réputation, ont un entraînement et ont une mission qui est plutôt une mission positive. Mmh. D'accord. Ce que les joueurs vont en faire en cours de jeu, c'est à eux de voir. Ils bossent pour quelqu'un, les patrouilleurs, ou du coup, avec la chute de l'Empire, ils sont en libéraux ? Alors, c'est... Profession libérale, patrouilleur. L'idée, c'est que l'organisation des patrouilleurs a survécu, mais de manière très libre, au sens où... alors, il y a des endroits où il y a des bastions patrouilleurs qui sont restés très organisés et qui... voilà. Et il y a d'autres endroits où... Ils ont perdu leur tête, en fait. Il n'y a plus d'Empire. Il n'y a plus d'Empire, vraiment, mais leur mission continue. Donc il y a des endroits où les patrouilleurs sont très organisés, il y a des bastions, il y a des fortins, il y a une hiérarchie, etc. Et puis il y a des régions où des gens finalement ont fait moi je serai patrouilleur pour ma région parce qu'il y a plus personne, il faut bien que quelqu'un le fasse, donc je vais le faire. Yes. Et il y a pas d'autorité au-dessus, ils s'organisent comme ils peuvent, ils le recréent la légende des patrouilleurs quelque part. Donc ce qui se passe généralement, c'est comme ça que moi j'envisage le jeu et que je le fais jouer la plupart du temps, mais après encore une fois le MJ peut vraiment partir de n'importe quel point à partir de cette base. Moi, je considère, je pars du principe que les joueurs, les personnages au début, sont envoyés par un bastion lointain pour récupérer un petit fortin patrouilleur dans une région où il n'y a plus d'autorité patrouilleur. D'accord. Et libre à eux de s'installer là et de faire leur boulot de patrouilleur, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qui se passe, de se renseigner, de mener des enquêtes, de voyager. Ça me fait vraiment penser au principe de la baronnie dans Agone, où t'arrives et du coup tu peux carrément gérer un endroit en fait. C'est le principe. Avec un petit côté un peu plus western, conquête de l'Ouest. Ouais, t'arrives, il y a plus de règlements, et toi, en tant que patrouilleur, tu dois rétablir l'ordre. There is a new sheriff in town. Ouais. There is a new patrouilleur here. Encore une fois, c'est vraiment, c'est les joueurs et le MJ et les joueurs qui vont décider d'orientation du truc. S'ils arrivent dans un coin et qu'effectivement ils sont dans une orientation de jouer du conquérant, qui veulent rétablir l'autorité impériale, qui veulent etc. Ils vont agir dans ce sens-là et ils vont mener leur diplomatie, leur patrouille, leurs explorations, etc. dans ce sens-là. D'autres fois, ça peut être simplement on arrive, on regarde ce qui se passe et on donne des coups de main à droite à gauche, mais sans objectif majeur à part filer un coup de main. D'autres fois, ça peut être on sait que dans la région il y a des légendes, des trésors, des choses comme ça qui arrivent et voilà. On s'en occupe. On va faire chasseur de trésors à défaut de patrouiller. Manu, tu voulais poser une question. Alors, tu disais que c'est les joueurs et le MJ et les joueurs qui qui définissent un peu ce qui va se passer, ça veut dire qu'il n'y a pas un univers figé. Non, l'univers n'est absolument pas figé. Non. Il y a une base générique, alors qui est quand même assez directive. Hein. On joue des patrouilleurs, l'Empire, les satrapies, les peuples. Il y a un passé, mais il n'y a pas de présent et pas d'avenir, au sens dans la base. Géographiquement, c'est le meneur, le groupe qui définit la région. À la base, il y a le MJ qui commence par définir, va passer une petite soirée. Alors il y a tous les outils qu'il faut dans le bouquin pour ça. Il y a des tables, des trucs, des conseils de création, etc. Il crée sa région. Donc il part d'une carte à hexagones, avec des hexagones numérotés, et il va placer des éléments dans quelques hexagones du jeu. C'est sa base. C'est-à-dire que avec ces éléments-là, il a déjà du scénario à l'avance. Il passe une soirée et il a un an de scénar devant lui sans se poser de questions, avec des interactions entre des PNJ, avec des figures qui apparaissent, avec des factions qui vont bouger. Tu disais qu'en tant que meneur, tu aimes bien arriver à la table et finalement laisser un peu tes joueurs prendre leurs aises. Et toi, t'es plus en tant que meneur quelqu'un qui assiste à la partie que quelqu'un qui la dirige et qui la guide. Alors ouais. Du coup, Oltré correspond aussi à cette envie d'arriver, de mettre les pieds sous la table et avoir à préparer. C'est pas seulement une envie, c'est aussi une nécessité. Ouais. Parce que quand on bosse toute la semaine, ne serait-ce qu'à faire du jeu de rôle, même comme moi, ou à dessiner ou à faire des trucs, on n'a pas forcément l'après-midi. Moi, j'arrive pas à me dégager, ne serait-ce qu'une après-midi par semaine pour écrire mes scénarios, quoi. Donc quand je t'ai rencontré déjà à l'époque, tu me disais ouais, John Doe, c'est des petits livres parce que justement le rôliste n'a plus le temps aujourd'hui, donc il faut des petits trucs simples. On lit la journée, on joue le soir, c'est vraiment très dur. Là, tu continues, tu persistes tes signes. Parce qu'au-delà de pouvoir jouer rapidement à partir d'un univers, après, il s'est posé le problème d'écrire des scénarios. Ouais. Donc, quand on a une partie par semaine et qu'il faut voir deux parties qu'on maîtrise par semaine, comme à une époque, maintenant c'est plus qu'une, mais parce que l'autre, je laisse la main à un autre MJ. Mais moi, j'ai une partie par semaine, j'ai cinq joueurs à ma table, je peux pas me permettre d'arriver. En disant j'ai rien préparé, on va voir ce qu'on va faire, quoi. À une époque c'était ça et 9 fois sur 10 c'était du remplissage, etc. Maintenant j'ai besoin d'avoir des choses qui me permettent de préparer vite le scénario, qui me permettent de placer des situations et d'occuper 3 heures de jeu avec des choses intéressantes. Donc du coup j'écris 3 lignes en haut d'une, à une époque j'écrivais 3-4 lignes en haut d'une feuille, ça me suffisait à ma soirée. Éventuellement j'écrivais une demi-page une fois et ça me servait pour les 6 mois de jeu suivants, mais avec Oltré c'est l'étape au-dessus, c'est-à-dire que c'est un peu aussi ce que j'ai fait avec le donjon de poche que j'ai sorti il y a pas longtemps, qui est dispo gratuitement sur le net. C'est le même principe, c'est-à-dire que on veut faire une partie de jeu de rôle et on y va, le scénario va s'écrire de lui-même. L'idéal ce serait préparation zéro, quoi, en fait. On le dit pas là, mais t'as Oltré presque... Oltré, c'est un peu ça, dans le sens où, je te dis, tu vas passer une soirée à préparer ton truc, ou alors tu prends celui qui est dans le bouquin, enfin le petit coin de région, la petite région décrite dans le bouquin, et à partir de là, tu peux arriver les mains dans les poches à ta partie sans avoir eu rien à faire dans la semaine pour préparer ta partie, quoi. Mais alors, combien de temps de jeu ? Apparemment, c'est un jeu assez long, je pense que ce podcast va l'être également, mais puisqu'on a le Grumph avec nous, on va en profiter aussi pour t'interroger aussi, voir justement tes envies, t'interroger aussi sur ton histoire en tant que joueur. John Doe, évidemment, là on vient de faire des parenthèses, c'est très intéressant. Allez, on va jouer, on se retrouve après, et puis on débriefera avec toi, on verra. C'est vraiment super de t'avoir sur le podcast, on va bien en profiter. Allez, à tout à l'heure, nous on va jouer, on se retrouve après, chers auditeurs, à plus. Alors voilà, fin de la partie. On précise pour nos auditeurs que nous sommes le lendemain, c'est-à-dire que nous avons joué toute la soirée jusqu'à environ minuit et demi, et puis on a repris ce matin vers 10h, 10h20, et on a continué à jouer, et là on est dans l'heure de midi. Oui, on a dormi entre-temps. 6 heures de jeu. On a dormi, on n'a pas joué en continu depuis la veille au soir. Ouais. 6 heures de jeu en tout, quelque chose comme ça, 6 heures et demie, 6-7 heures plus tout ce qui était créa de perso et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, déjà, est-ce qu'on peut faire un rapide peut-être résumé de la fiction qu'on a joué, qu'on a raconté? Il faudrait aussi faire un rapide résumé des règles parce qu'il me semble qu'on n'en a pas vraiment parlé au début du podcast. Tout à fait. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à expliquer. Ça va être très, très, très technique comme podcast, un peu complexe même, sans y passer 10 heures. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Déjà, je pense qu'on peut commencer par raconter la fiction. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué des patrouilleurs. Nous avons débarqué sur une île, l'île d'Elysia, si mes souvenirs sont bons. Oui. Ou Elysium, je ne sais pas. Elysia ou Elysium, peu importe. Et notre objectif était de redécouvrir cette île qui avait été abandonnée par l'Empire décadent dont on vous a parlé juste avant, chers auditeurs. Et depuis la moitié de l'éternité, c'est l'expression temporelle qui est revenue le plus souvent au cours de cette partie. Et il a fallu qu'on aille explorer des zones autour d'un fortin qu'on devait reconquérir. Sauf que le fortin, évidemment, il est habité par des gobelours, qui sont des créatures qui vivent sur cette île et qui ont pris possession des terres qui jadis appartenaient à l'Empire. Nous, en tant que patrouilleurs, on devrait reprendre le contrôle de ces terres, mais eux sont déjà là et ils sont légitimes à y être. Ça fait la moitié de l'éternité qu'ils y vivent, qu'ils ont des traditions, etc. Ça, c'est premier enjeu assez intéressant de la partie. Et puis ensuite, deuxième objectif. Donc une fois que ce premier objectif atteint, parce que le jeu amène les joueurs à remplir des objectifs, une fois ce premier objectif atteint d'atteindre le fortin et de voir ce qui s'y passe, on s'est fixé un deuxième objectif qui était de sécuriser la zone. Là, il y a eu une deuxième phase de jeu où on a fait plus ou moins le tour du fortin pour voir un petit peu ce qui s'y passait, découvrir les acteurs majeurs de la région, les principales forces en présence. Et assez rapidement, au cours de cette seconde partie, on a commencé à découvrir qu'il y avait des forces qui essayaient de réveiller un ancien pouvoir dont on ne savait pas grand-chose au départ, qui représentait une menace. Et donc, on a cherché à résoudre la menace. Est-ce que ça va comme résumé de la fiction ? Oui. Ou ça va ? Ça vous parle ? Oui, ouais, c'est à peu près ce qu'on a joué. Ouais. Alors, a bien expliqué que dans ce qui a été joué, la seule chose qui était prévue à l'avance, c'était le moment où vous débarquiez du bateau et le fait que le fortin était déjà occupé. Tout le reste, ça a émergé en cours de jeu. Absolument. Moi, ça fait 3 ou 4 fois que je fais jouer ce petit bout d'aventure. Passe généralement, au bout de 10 minutes de jeu, j'ai toujours eu un univers différent autour de la table, qui se créait autour de la table et qui était complètement différent des autres, avec des menaces différentes, des réactions différentes, des enjeux différents dans la région. Plage, plaine, fortin, lieux que vous allez visiter sont représentés sur une carte qui se trouve au milieu de la table des joueurs. Et chaque fois que le groupe se déplace sur un nouvel hexagone, le groupe, l'une des personnes autour de la table, tire une carte qui s'appelle une carte de patrouille, et sur laquelle est inscrite un élément de couleur dont il faut s'inspirer pour raconter quelque chose. Par exemple, est-ce que tu pourrais aller chercher une carte de patrouille s'il y a sur la table encore ? Comme ça, on va en tirer une, en fait. Elles sont rangées ? Bon, en gros, on verra ça tout à l'heure, mais en gros, lorsqu'on tire, ça va être, par exemple... Par exemple, rencontre. Rencontre. Vous rencontrez une opposition. Ensuite, le niveau de l'opposition est déterminé avant de tirer la carte. Enfin, avant de tirer la carte, non. Avant de raconter l'effet de la carte par 2D8 qu'on va lancer. Plus le score de ces 2D8 est élevé, plus la rencontre est hostile au personnage des joueurs. Inversement, plus le résultat de ces 2D, la somme de ces 2D est faible, plus la rencontre est favorable aux joueurs. Et donc, finalement, les cartes de patrouille, là, j'en tire une avec vous. Donc, par exemple, c'est une carte de découverte. Nous découvrons ruines, vestiges ou artefacts, une statue. Alors, il y a des exemples que le Grumph a inscrit sur les cartes. Une statue impériale, un lieu très ancien, une langue disparue, un monument scellé, une avalanche de pièges. Voilà ce que la carte nous invite à décrire. Donc là, c'est le joueur qui tire la carte, qui décrit. Ce n'est pas le maître de jeu. Donc là, il y a une partie de la narration qui est laissée au joueur. Par contre, le résultat des 2D8 implique que le joueur raconte dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si les résultats des D8 sont faibles, il raconte dans le sens favorable. Inversement, si les résultats des D8 sont forts, c'est plutôt un péril, un danger, un obstacle. Ce qui veut dire que la statue impériale, le lieu très ancien ou la langue disparue qu'on est invité à décrire ici, si les résultats sont faibles, il va être sympa. Si le résultat est fort, ça va plutôt être un danger. Or là, on a commencé la partie d'entrée de jeu par une carte de patrouille qui nous a révélé un personnage, un dragon, qui a été tiré par Manu dès le début, avec un score de dés assez extraordinaire, de 32, de 30, je crois oui, bien. Oui, enfin extraordinaire donc, pour le coup, c'était pas forcément très bien dans notre sens. 13 mais... ou plus, donc c'est péril. Donc ça veut dire que c'était un grand personnage très dangereux. En l'occurrence, là, il s'agissait en plus d'un dragon, puisque Manu a choisi d'introduire ce personnage sous la forme d'un dragon. C'est-à-dire c'était une rencontre, mais il a choisi de lui donner cette apparence. Donc voilà un petit peu comment c'était commencé. Ce qui était marqué sur la carte, c'était une ombre dans le ciel. Une ombre dans le ciel, et, exactement, c'est ça. C'était une rencontre, une ombre dans le ciel, et là, Manu fait atterrir un dragon, un énorme dragon. Bon, bah, évidemment, ça pouvait pas être des poules sympas qui savaient voler, c'était un dragon, quoi. Donc voilà. Moi, je me suis emparé du truc, et voilà. Alors, voilà un petit peu. Donc ça, c'est le système, finalement, d'exploration que nous propose Oltrey. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a des cartes que les joueurs ont dans les mains, qui sont des cartes de fumble, en fait, des cartes d'échec critique, qui sont des cartes de persécution, qu'on peut jouer quand on veut. Donc, on choisit nous-mêmes quand est-ce qu'on réussit de façon horrible des actions. Ça, c'est très intéressant. Il y a des cartes d'exaltation, qui sont des cartes qui sont données aux joueurs, qui sont un petit peu des bonus, en fait, l'équivalent de points d'héroïsme. Donc, ils sont... Mais globalement, ce qu'on peut dire de ce système de cartes, déjà, avant de commencer à rentrer dans les détails, c'est qu'il est très inspirant et qu'il est, c'est un guide. C'est des rails sur lesquels tu mets, en fait, tes joueurs pour créer de la fiction. Ça, c'est intéressant. Que ce soit des cartes d'exaltation, donc des succès, des cartes de persécution, donc des échecs, ou des cartes de découverte, d'exploration, ça met tes joueurs sur des rails et ça invite les joueurs à faire des descriptions et donc à faire avancer le schmilblick, si j'ose dire. De toute façon, l'imagination fonctionne toujours mieux quand elle est cadrée. Et plus on donne de cadres, plus les joueurs ont de facilité à imaginer des choses, parce que finalement, il y a moins à improviser. Il suffit de se laisser guider. Et puis, alors, moi, je dois avouer que j'aime bien le principe du fait qu'on puisse choisir quand on fait notre fumble. C'est-à-dire, je pense que c'est faux de se dire, ah, les mecs, ils feront jamais de fumble si c'est à eux de choisir quand. Non, c'est marrant, un fumble, c'est marrant de se chier dessus, quoi. Et je trouve le truc, c'est quoi ta phrase? C'est on ne chie pas là où on dort, c'est ça? Bon, évidemment, on évite le fumble là où on est censé se reposer et gagner ses PV, mais franchement, c'est marrant, quoi. D'autant plus que, Manu. Et moi je crois que mécaniquement c'est quelque chose d'important, il y a une récompense, c'est-à-dire que si l'adversité est importante, il y aura plus de récompenses, et si on choisit de poser une carte de persécution, donc effectivement un échec critique, d'abord on le pose dans un contexte, parce que c'est pas juste vous ratez, c'est vous ratez dans tel type de situation, ça emmène potentiellement à chercher tel type de situation. Je vais vous en lire une, hein, pour que vous puissiez avoir un exemple de ce qu'est en train de dire Manu. Donc voilà, là je viens de regarder, donc j'ai pioché ça, une carte de persécution que je vais pouvoir jouer quand je veux, hein. Elle est dans ma main et je peux la jouer quand je veux. Là c'est « J'ai un gros matou coincé dans la gorge, jouez cette carte avant une scène hautement sociale, vous ne pouvez plus parler, discuter, marchander, parlementer, baratiner ou simplement chanter, ça pique trop ». Autrement dit, cette carte, vous pouvez la jouer au moment où vous la jugez vous jugez ça opportun, vous dites « Bah voilà, je suis en train de négocier avec un gros PNJ et là d'un coup, bah, j'ai un gros matou coincé dans la gorge, je fais... » un lapsus, quelque chose qui me ridiculise, et voilà, c'est mon fumble. Alors, le fait de jouer ça, ça va me permettre de piocher deux cartes d'exaltation, donc de gagner en gros une équivalente de deux points d'héroïsme, donc c'est assez génial, et de repiocher une autre carte de persécution qui pourra être jouée par la suite. Manu, continue. Alors du coup, oui, c'est le deuxième point sur lequel je voulais venir pour le temps où voilà, on parle un petit peu des cartes de persécution. On pioche effectivement deux cartes d'exaltation. Il y en a une pour soi, donc ça c'est la petite récompense, parce que je pense qu'effectivement, le fait de savoir qu'on va toucher une récompense incite à accepter ou à choisir même de se mettre dans des difficultés. Et puis on sait qu'on va mettre les autres dans des difficultés aussi quand on se met soi-même, puisque c'est un jeu où on joue en groupe. Et du coup, là, on en tire une deuxième qu'on va donner à un des membres du groupe. Alors, il faut savoir que toutes les cartes d'exaltation, elles peuvent servir soit de façon standard, comme un point d'héroïsme, soit de façon spécifique si la dénomination de la carte en gros correspond à la race de notre personnage ou à sa motivation pour être dans la patrouille. Absolument. Quand on tire au hasard, on a assez peu de maîtrise là-dessus. Quand on peut distribuer une carte à un des autres joueurs, pour le coup, on peut plus lui donner des cartes. On peut plus donner à des joueurs des cartes qui vont leur correspondre et qu'ils pourront exploiter à leur plein potentiel. Voilà. Et ça rend doublement intéressante cette option des cartte de persécution qui en fait du coup pas seulement un tirage de bonus, mais un tirage de bonus. Tu parles des cartes très bien. T'as dit carte de persécution, tu les voulais dire carte d'exaltation. Les cartes de persécution qui permettent de tirer des cartes d'exaltation. Voilà. Par exemple, là, je prends une carte d'exaltation au hasard. Elle est écrite en haut conquérant. Donc, si je suis de la classe conquérant, enfin si je suis motivation. Un personnage motivation conquérant, on parlera de ça, justement des motivations et tout, faut qu'on parle de ça, c'est très important. Donc si je suis de motivation conquérant, eh bien je peux la jouer à son plein pouvoir, c'est-à-dire que même les ténèbres les plus sombres ne peuvent étouffer l'espoir de revoir la lumière, autrement dit, bon, c'est une carte d'espérance si je suis conquérant, et si je ne le suis pas, eh bien elle a un effet générique cette carte, c'est, bah, si vous défaussez une carte, tu relances un jet, tu prends un second souffle, etc. Et pour deux cartes, tu fais une action supplémentaire. Si on n'a pas la motivation, si on n'a pas la motivation propre, on joue la carte comme un jeton, en fait. Comme un pion, voilà. Un jeton. Donc c'est voilà. Ce système de cartes est quand même très très important à préciser avant toute forme de critique, de questions qu'on va te poser, Grumpf, au cours du podcast, parce que faut que les auditeurs puissent comprendre ce dont on va parler. Manu, tu veux aller. Alors moi, j'ai une dernière chose à préciser. C'est un système que j'apprécie. Parce que j'aime bien les cartes. Je trouve que en jeu de rôle, on est habitué à certains accessoires. Ouais. On est habitué aux dés avec des formes bizarres. Ça, oui. On y est assez habitué. Et Oltré travaille sur des dés avec des formes bizarres qu'on utilise assez peu. Ouais. On est habitué effectivement aux multiples fiches de personnages. Ça, on est servi. On a éventuellement ce qu'on n'utilise pas là, mais qui était très présent dans un Donjon 4, par exemple, les figurines, qui sont quelque chose qui a quand même une histoire en jeu. Et puis, puis effectivement, on a les jetons. Alors là, les jetons, on les retrouve et on en reparlera un petit peu plus tard pour les ressources. Et puis, on a les cartes. Et moi, j'aime bien les cartes parce qu'on peut mettre du texte, on peut mettre de l'univers dessus. Et quelque part, c'est ce que tu disais, ça apporte une appropriation par les joueurs qui vont faire, eux, faire sien l'univers et les bouts d'univers qu'ils ont, eux, dans leurs mains de cartes à eux, et réinvestir pendant la partie. Et ce qu'on retrouve aussi très souvent dans les jeux de cartes, c'est l'idée « la carte est une règle ». Par exemple, tu prends Magic, c'est typiquement le Dominion. Ce sont des jeux dans lesquels la carte est une règle. Or là, ici, chaque carte que Grumpf a écrite est en fait une règle. Ce qui évite aussi au meneur de jeu, il dit juste piocher une carte, mais ça lui évite en fait dans Oltré de devoir dire ce que le joueur doit faire avant qu'il ne le fasse. Là, il le sait parce qu'il y a une carte qui le lui dit. Ce qui procure aussi de la surprise pour les autres joueurs. C'est tout bête. Mais de dire. Et pour le MJ. Et pour le MJ. C'est-à-dire, parce que le MJ ne sait pas effectivement. Effectivement, Grumpf, mais bien vu. Il ne sait pas ce que les cartes leur réservent. C'est dingue parce qu'on pourrait croire que c'est toi qui as créé le jeu, quoi. Enfin. Ouais, c'est terrible. Mais effectivement, ça aide. Ça fait des informations à passer. Autour du jeu, ça fait du métagame à passer en moins à la table et on se concentre sur le jeu, quoi. Et ça, c'est vraiment une bonne trouvaille. Alors, pour continuer sur cette histoire de Manif. La règle est sur la carte, je pense qu'on pourrait parler de la fiche de personnage parce que, pour moi, il y a une suite logique là-dedans. Dans la fiche de personnage, les règles sont sur la carte, enfin, sur la fiche. Sur la fiche, ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est super clair. Tu as toutes les règles, en fait, toutes les compétences que tu peux trouver, il y a des métiers, des armes. C'est tellement pratique de ne pas se dire « Attends, deux secondes, je prends la base. C'est où déjà ? Page 66. Non, ce n'est pas page 66. Je crois que c'est 69. » Là, au moins, tout est sur cette fichue page. Et en plus de ça, c'est-à-dire que le Grumpf nous a passé un petit manuel du joueur, j'ai envie de dire, avec écrit Oltré, manuel du patrouilleur, manuel du patrouilleur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, du coup, on a 16 pages, un petit peu plus, qui nous expliquent tous les métiers. Donc, si jamais on a des questions en fait sur les métiers qu'on joue, même sur les choses qu'on a choisies, nos vocations, on peut aller se référer à ce document et regarder en fait ce qu'on peut faire. Et ça, c'est pareil, ça évite de faire du métagame, de toujours avoir que le MJ soit toujours sollicité pour qu'on lui pose des questions. Là, du coup, on a directement. Donc, ça, c'est du coup, ça amène aussi à. Enfin, c'est l'impression que j'ai sur Oltré. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, certes, donne la part belle au PJ, mais aussi au MJ. C'est-à-dire que comme le MJ n'a pas à s'occuper du metagame, du coup, il peut créer et réagir, en fait, à ce que vont faire les PJ pendant la partie. Et d'après ce que j'ai compris, le livre de règles, en fait, c'est pas mal de tables, de créations, etc., qu'il va pouvoir utiliser pendant la partie. Ouais, ouais. Il y a pas mal. En fait, l'idée c'est de mettre les joueurs en autonomie. Donc effectivement, le manuel du patrouilleur, c'est les références, c'est les listes de sorts. C'est assez classique, mais c'est les listes de sorts, les listes d'alchimie, livre du joueur. Oui, c'est un livre du joueur qui sera à part du livre de base. Normalement, quand le jeu sortira et que les joueurs peuvent consulter librement, il y a toutes les références dont ils peuvent avoir besoin pour effectivement choisir leur sort. Et c'est organisé de telle manière que, comme de toute façon tous les joueurs n'ont pas tous les métiers, bah en fait on va juste regarder la section qui nous intéresse en fonction des métiers qu'on fait, quoi. Donc c'est pas non plus un étouffe chrétien où qu'il faut absolument se manger. On va juste chercher l'information dont on a besoin. Ouais. Et il faut dire. Et alternativement, effectivement, dans le manuel dans le livre de base, il y a plein d'outils pour que le MJ crée des situations, des ruines ou des monstres, des dragons à la volée en aléatoire, quoi. D'une façon générale, toutes les choses que tu as proposées, que ce soit sur la fiche de perso, dans le manuel, sur les cartes, ce sont des choses qui sont incitatives, mais qui ne sont pas normatives. Elles n'empêchent pas de jouer. On peut interpréter les choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pas limitant. C'est d'où le fait que tu disais, oui, c'est pas ultra technique, comment dire. C'est même les sorts, si tu veux, que tu donnes à tes sorciers, à tes magiciens. Moi, j'ai beaucoup joué avec ça parce que justement, je joue un magicien. Ils sont inspirants, en fait. On a envie de s'en servir pour faire autre chose que ce pourquoi on a l'impression qu'ils sont destinés. Ils sont pas limitatifs. Ils t'empêchent pas. Enfin, rien dans ce jeu ne t'empêche de faire des choses. Non, tout t'incite à faire des choses, mais rien ne t'empêche d'en faire. Donc il est pas, je sais pas comment dire. C'est pas carré, c'est pas enfermant. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. C'est pas emprisonnant. C'est au contraire, c'est libérateur. Toutes les règles sont libératrices. Après, je pense que ça dépendra aussi du MJ. Il y a des MJ qui seront beaucoup plus stricts que moi je peux l'être, mais ça dépend. Ben, en même temps, c'est vrai que c'est pas limitant parce que ça n'empêche pas un MJ d'être strict ou au contraire extrêmement adaptatif et tu veux utiliser tel sort avec des effets par ses effets de bord et pas par son effet principal. Moi, en tant qu'MJ, ça me dérange jamais. Au contraire, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça veut dire que le joueur s'intéresse à la partie, est imaginatif et cherche des solutions non évidente. Maintenant, il y a peut-être des MJ qui seront un peu plus stricts, mais encore une fois, ça dépend de la table. C'est Manu, pas dans le jeu, quoi. Tu voulais revenir sur la fiche de perso encore ? Oui, brièvement. Alors, avec le manuel du patrouilleur, là, on est sur un jeu qui est qui est quand même bien réalisé. Hein. Il n'y a plus beaucoup de retouches dessus, mais j'imagine que l'objectif à terme, c'est que pour le joueur qui débute à Oltrée, il puisse prendre le manuel du patrouilleur, la fiche de personnage, et puis il peut commencer à faire son personnage de façon autonome quasiment. Ouais, dans l'idéal, c'est ça. Normalement, il y a tout. C'est vrai que qu'il manque effectivement peut-être dans le manuel du patrouilleur que je rajoute 2-3 infos qui sont dans le manuel général. Mais qui sont indiqués sur la feuille de personnage, mais pas forcément explicités. Ça peut être intéressant de les expliciter, de rajouter une page ou deux dans le. En gros, avec un petit livret d'une vingtaine de pages, moi, joueur, je fais mon personnage et j'ai une bonne idée de comment je vais pouvoir jouer. Ouais. Bah, normalement, ouais. Et puis, surtout que la première fois qu'on crée, enfin, le premier perso qu'on crée, il faut que le MJ explique quand même 2-3 petites choses. Enfin, il y a 3 choix à faire, ensuite on répartit quelques points. Donc, normalement, quand on sait faire un personnage, c'est moins de 5 minutes. Mais réellement, non, mais c'est clair. C'est vraiment très, très rapide. Ouais. Par contre, ça peut prendre un peu plus de temps la première fois parce que il faut s'approprier les différentes peuples, espèces, les peuples, différentes motivations, à quoi ça correspond, c'est quoi la différence entre les différentes origines. Et puis ensuite, il faut éventuellement jeter un bon coup d'œil dans les métiers pour, parce qu'il y a 16 métiers différents qui apportent tous des choses extrêmement extrêmement variées. On a vraiment variées. Énormément de choses à aborder. Et du coup, je pense que la première fois, il faut vraiment faire le tour de tout. Ça prend un peu de temps. Ouais. Mais une fois qu'on sait ce qu'on veut jouer, si on a besoin de recréer un personnage, ça prend moins de 5 minutes. Quoi. D'autant plus que la fiche, c'est, les informations techniques du personnage, c'est sur une page. C'est assez aéré. C'est très expliqué, donc il y a peu d'informations à y ajouter, mais en plus, chaque joueur a 2 pages supplémentaires avec d'un côté tout ce qui est grimoire suivant compagnon, plus quelques informations techniques de jeu, et les manœuvres, les effets en fonction des résultats OD sont décrits, éventuellement les sorts que vous avez, donc ça c'est sur la deuxième page. Sur la troisième page, vous avez des éléments plus de décorum, d'ambiance, c'est-à-dire avec la saison, les prix des ressources, les différentes, la façon dont vous allez vous nourrir. Enfin, c'est vraiment c'est très bien fait, quoi. Il y a quasiment, on n'a jamais aucune question technique à poser au maître de jeu. On t'a quasiment posé aucune question technique. Non, aucune. C'est incroyable. Ouais, une fois que c'est expliqué, que je vous dis où sont les informations sur la feuille, on a à peu près tout dans les mains. Tout est résumé, c'est-à-dire que Effectivement, la troisième feuille, c'est tout ce qui est la patrouille, c'est-à-dire comment on lit une feuille, une carte de patrouille, quelles sont les options d'exploration, combien de cartes on tire par jour, comment on chasse, tout est résumé là. Une gestion du temps qui passe, qui est un élément important dans le jeu. Ouais, tout à fait. C'est vraiment impressionnant là-dessus, de simplicité, c'est très accessible. Ça, c'est la marque Jeune 2, hein. Tous vos jeux sont comme ça. Ça, c'est un truc, voilà, c'est un commentaire, je t'invite pas à répondre à ça, c'est une critique personnelle. Donc, tous vos jeux sont comme ça, c'est du critique plug and play. Plutôt très très positive. Oui, hein, bah, la critique forcément n'est pas forcément négative. Donc, le peuple, la motivation et l'initiation. Donc, le peuple, c'est notre origine ethnique. Notre motivation, c'est les raisons qui nous poussent à l'exploration. Avoir rejoint la patrouille. Ouais. Et avoir rejoint la patrouille. Et notre initiation, c'est, comment dire, la façon dont on perçoit l'idée d'être un patrouilleur. Est-ce qu'on est vraiment très attaché au code du patrouilleur, ou alors est-ce qu'on a rejoint la patrouille pour des raisons un peu annexes, ou au contraire, est-ce qu'on est vraiment dans la patrouille l'exception qui confirme la règle? En fait, l'initiation, c'est plus la manière dont on est rentré, enfin l'âge à laquelle, dans laquelle on est rentré dans la patrouille, et la manière dont on a été formé par la patrouille. D'accord. L'héritier, c'est celui qui est né dans la patrouille et qui a été, donc il est très compétent, mais très rigide. Il a très peu de cartes d'exaltation, donc il a très peu de points d'héroïsme. Il a peu de moyens de s'en sortir en dehors de ses. Donc tu veux dire que l'initiation, ça impose aussi un certain historique? Ça impose un petit peu l'historique et ça impose la manière dont on va jouer. Typiquement, c'était Camille tout à l'heure qui effectivement soulignait le fait que, elle gueulait un peu en tant qu'héritier, donc quelqu'un de très rigide, très compétent mais très rigide, qui n'a pas de carte de persécution et très peu de cartes d'exaltation, gueulait un peu contre les deux adoptés, donc les deux personnages qui sont dans la patrouille depuis moins longtemps, qui sont un peu plus souples, ils ont plus de points d'exaltation, mais ils ont aussi des cartes de persécution qu'ils ont utilisées pour mettre un peu tout le monde dans la merde. Et donc elle disait ouais, mais quand on est patrouilleur, on met pas les gens dans la merde, et donc c'est impliqué par le fait que elle n'a pas de carte de persécution, puisque elle est vraiment formatée, normée selon les codes officiels de la patrouille, quoi. Ça veut dire que le système guide le comportement. Ouais. Puisque comme tu le disais, effectivement, l'initiation, c'est le choix que font les joueurs au début qui va avoir un impact sur les vocations, qui sont en gros les caractéristiques du jeu, ouais. Les métiers, qui sont les compétences. Les vocations, il y en a trois. Soldat, voyageur, érudit. Soldat, c'est tout ce qui est un peu combat, baston. Voyageur, c'est plutôt installer un camp, marcher, se déplacer. Enfin, érudit, c'est les connaissances intellectuelles. En gros, c'est le soldat, c'est la baston et l'athlétisme. Érudit, c'est les connaissances et la magie. Voyageur, c'est tout le reste. Yes. C'est comme ça que je le présente la plupart du temps. C'est-à-dire que voyageur, ça va de pister, accrocher les serrures, en passant par faire la cuisine ou séduire la serveuse de l'auberge, quoi. Ok. Et puis ensuite, il y a les métiers. Les métiers qui sont effectivement plutôt les compétences et effectivement la gestion des cartes d'exaltation et de persécution. Donc il y a vraiment d'abord, dès le début, cette option de pouvoir jouer soit des personnages qui sont presque, enfin, qui sont pas des vétérans, mais en tout cas qui sont plus des professionnels de la patrouille, ou alors des gens qui sont un peu plus dilettantes, et ça va induire des comportements différents de la part des joueurs, de la part des personnages, et là-dessus, ça fonctionne assez bien d'avoir une cohésion entre ce que sont les personnages et comment fonctionnent les joueurs qui ont ces personnages. Alors, tu disais que la critique pouvait être aussi négative, ça va venir, parce que là, moi, je suis pas d'accord avec toi du tout. Justement, j'ai trouvé que c'était un point faible du jeu, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme ça, je me casse. Pour moi, en fait, c'est dommage qu'il y ait que à la création du personnage, tu vois, le moment où tu choisis ton personnage, que ça ait de l'impact. J'ai trouvé que sur la partie, globalement, le fait que tu sois un héritier, un adopté, et ta façon de voir la patrouille n'avait pas beaucoup d'impact sur la fiction et sur le système en général. Je cite un exemple et après, Fly, je te donne la parole si tu veux. Il y a un exemple qui est typique. Il y a eu deux exemples, en fait. Il y a l'exemple de la plante. À un moment donné, en fait, quand on voyage autour du fortin, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui cultive des plantes qui sont psychotropes. Et Manu, donc le personnage de Manu, décide de ramener ces plantes au campement. Ensuite, Ceci n'a aucun rapport avec ce que je fais dans la vie réelle. Hein, il y a un conflit, en fait, il y a un conflit au sujet de ces psychotropes et de l'utilisation des psychotropes par la patrouille et de la façon de les voir entre Flavie et Manu. Alors, il n'y a rien dans le système qui permet de résoudre ça. Non, parce que c'est un jeu d'équipe, donc c'est aux joueurs de régler ça. Et c'est pas parce que t'es héritier que tu as l'ascendant sur un pèlerin. Par exemple, donc le pèlerin, c'est celui qui vient de débarquer dans la patrouille il y a quelques semaines. Parce que, ok, l'héritier peut être beaucoup plus compétent, mais c'est pas forcément un tacticien, c'est pas forcément une personne d'autorité. On peut très bien avoir un pèlerin qui, par ses intuitions, parce qu'il a beaucoup de cartes, il a beaucoup de cartes d'exaltation, par ses intuitions, par le côté justement un peu libre, un peu feu follet, voilà, peut être beaucoup plus apte à diriger une patrouille. Mm-hmm. Les deux. Oui, mais au final, tu vois, Grumph, le problème, c'est que là. Mais il n'y a pas de grade. Oui, mais justement, le problème, c'est que du coup, ça va être la part belle à la grande gueule. C'est-à-dire que c'est le joueur qui a la plus grande gueule qui va imposer son autorité. Oui. Et donc, il n'y aura pas du tout cet aspect. Le personnage et le système ne permet pas de prendre en compte l'autorité. Mais ça rejoint un des trucs. Attendez, on va peut-être donner la. Ouais. Je te laisse réfléchir, tu pourras répondre. Faye, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi, je trouve qu'il y a eu une grosse différence dans le jeu par rapport au début du jeu et après à propos de ça, en fait. D'accord. Parce que je pense qu'au début du jeu, on n'a pas en plus trop nos persos en main, donc on cherche quand même un peu. Comme on en avait parlé hier, je crois, avec Manu, on se disait que ça aurait été bien pour le début du jeu qu'on décide qu'il y en ait un qui soit le chef, entre guillemets. Mmh. Parce que comme c'était une patrouille, c'était presque un truc un peu parce militaire. Que tu voulais être le chef, surtout. Non, pas forcément. Ça m'aurait plu que ce soit quelqu'un d'autre. D'autant que je te rappelle qu'à la fin, je le jouais quand même vraiment stupide, mon perso. Ouais, mais t'avais quand même le profil du chef, globalement. Et je trouve qu'en fait, à partir du moment où on passe la première heure et demie de jeu, j'ai envie de dire, où en fait, notre quête, entre guillemets, se met en place, où là, du coup, on a tous un vrai objectif en tête et on n'est plus en train de chercher nos personnages. Et là, du coup, les choses sont quand même plus évidentes à jouer. Ouais. Et en fait, je me dis que s'il y avait quelqu'un qui devait être le chef, c'est surtout pour la première partie du jeu quand on cherche encore ses personnages. En fait, d'accord. Et que, du coup, pour éviter un petit peu toutes ces petites anicroches qu'il y a pu avoir au début du jeu. Est-ce que j'ai raison si je résume ce que tu viens de dire en disant le chef dépend des enjeux. Si l'enjeu c'est de marchander quelque chose, on va se retourner vers Manu parce que c'est lui qui a le métier marchand. Si le but c'est de trouver un objet magique, on va se retourner vers moi parce que c'est moi le magicien. Si le but c'est de sauver des gens, on va se retourner vers le guérisseur qui va devenir le chef. Donc l'enjeu de facto détermine qui va avoir autorité dans la patrouille pour prendre les bonnes décisions. Ouais, et comme au début du jeu, on n'a pas d'enjeu, et bah du coup on cherche un petit peu. D'accord, ok. En fait, Grumph, et puis ensuite Manu. Ouais. En fait, vous répondez relativement bien au truc parce qu'en réalité, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que c'est aux joueurs de gérer ça. C'est pas aux règles. Ça rejoint ce que je mets dans le jeu, c'est-à-dire que je dis voilà, la patrouille. La seule chose que j'impose dans la patrouille, c'est que vous ayez des comportements relativement altruistes, relativement civilisés. Vous êtes là pour apporter de la lumière, de la civilisation, de la sécurité. Vous n'êtes pas là pour jouer des gros cons. En maraude, d'accord. Et c'est la seule chose que j'impose. Et après, je ne dis rien sur la patrouille de plus. D'accord. Et par contre, et je mets ça dans le bouquin, si les joueurs se posent des questions sur la patrouille, est-ce qu'on a un uniforme, est-ce qu'on a des insignes, est-ce qu'on a un code de conduite, est-ce qu'on a ceci ou cela, je dis, ok, c'est quoi et c'est aux joueurs de répondre. Parce que je pars du principe que si je commence par 2 heures d'infodump sur la patrouille, les joueurs vont pas le retenir. Si au moment où les joueurs me disent voilà, l'insigne ça ressemble à ça et à ça, et d'ailleurs on a telle couleur parce que on a tel brassard ou machin, etc., les joueurs, vu que c'est eux qui amènent ça, ils vont l'incorporer naturellement, et à partir de là ils l'auront toujours en tête, ça va venir d'eux, et on répond aux questions en fonction des besoins. Si à un moment donné les joueurs autour de la table estime de se dire, mais est-ce qu'on a une hiérarchie? Comment ça se gère pour être le chef? Je dis, comment ça se gère et décider. Et si les joueurs veulent se donner un chef, ils se donnent un chef. C'est pas à moi en tant que MJ, ou en tant que créateur de jeu. Puisque je n'impose rien d'autre dans l'univers, enfin, j'impose très très peu de choses dans l'univers. Il y a des guides, il y a des orientations. Quel est l'objectif des patrouilleurs pour nos auditeurs? Quel est l'objectif que tu as mis dans ta base pour les patrouilleurs dans Oltré? Les patrouilleurs, c'est les restachous d'un ordre de gardiens des routes, de, voilà, donc de c'est diplomates, en fait, d'auditeurs. C'est des gardiens de la paix. C'est des gardiens de la paix et ouais, et de la sécurité. C'est des policiers municipaux de l'Empire. Ouais, c'est les gardes champêtres de l'Empire. D'accord, ok, ça marche. Manu. Moi, la question que tu te posais, je me la suis posée à l'issue de ma première. C'était ma deuxième partie sur Oltré. Là, je me suis posé exactement la même à l'issue de ma première partie d'Oltré en me disant c'est bizarre, c'est une unité militaire et il n'y a pas de système pour gérer la hiérarchie. J'avais eu l'occasion de jouer à 3-16 antécédemment. Ah, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis qu'il n'y a pas de quoi régler les conflits sociaux. C'est-à-dire que. Non. Et c'est-à-dire que c'est pas une question de hiérarchie. Je dis pas que c'est une affaire de. Enfin, je veux pas que la résolution du système, ce soit. Bah, il y a une hiérarchie, donc c'est lui qui a toujours raison aux conflits sociaux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que j'attends, tu vois. Oui. Si vraiment il y a un enjeu autour de ce que c'est que de rétablir l'ordre, de la paix, d'être un gardien de la paix, d'être ce garde champêtre dans l'Empire, je veux qu'il y ait quelque chose dans le système qui permette de le jouer, de le résoudre, de voir ce qui se passe. Bah. Je dis pas qu'il faut un système de hiérarchie. Je dis juste qu'il faut que. Il y a deux choses. C'est moi, je suis toujours parti de. Enfin, je suis toujours parti de ce principe-là dans tous les jeux auxquels je joue, qu'il y ait des règles ou pas pour ça. C'est les conflits entre joueurs, enfin entre personnages, se règlent entre personnages. Le MJ n'a pas à intervenir. C'est aux autres joueurs éventuellement d'intervenir, de jouer les pacifistes, et ça se règle en roleplay et basta. Ouais. Et les conflits sociaux avec, enfin surtout pour du old school Renaissance, les conflits sociaux qui vont se gérer, qui vont émerger entre joueurs et PNJ. On peut faire quelques jets de dés, du séduction, du baratin, ce sera sous voyageur, de l'intimidation sous soldat, du convaincre ou du discours rhétorique, ce sera sous érudit. On a ce qu'il faut, on fait ça contre une difficulté, basta, ou en opposition, classique. Mais après, c'est du ruling not rules. Je prends, ouais, c'est-à-dire, on arbitre, mais on met pas de règles. On met pas de règles il y a quand même formelles. Il y a quand même un moment donné où il a été question aussi d'une promesse qu'on fait à quelqu'un. En fait, il y a un combat contre des individus, des autochtones. On en capture un, des gnolls. On en capture un. Manu lui promet qu'il le libérera s'il lui donne les informations. Il lui promet qu'il le libérera peut-être. Alors ça, technicality. C'est fin. Ça, attention à ça, parce que. Mais voilà, c'est là qu'on en vient au problème, en fait. Non, on n'en vient pas au problème. Moi, je laisse les joueurs avec leur conscience. C'est un gnoll en plus extrêmement maléfique puisqu'il sert le père des monstres. Vous décidez de lui mentir pour lui soutirer des informations. Vous le tuez derrière. Moi, en tant que MJ, je m'en bats les couilles. C'est vous et votre conscience, quoi. Est-ce que tu crois pas qu'il faut... Du coup, je pense que pour Oltré, il y a un truc qui manque. C'est un contrat social clair au début de ce qu'on attend d'une partie d'Oltré. Parce que ça, c'est pas clair. Moi, je sais pas trop. Par exemple, je prends à la table, il y avait différentes attitudes de jeu. Il y avait l'attitude de Camille et de Manu, qui étaient très très détachés par rapport à la partie, qui faisaient beaucoup de blagues, beaucoup de machins. Et moi, j'essayais d'être dedans. Tu vois ce que je veux dire? Essayer de prendre les décisions les plus cohérentes avec le personnage tel que je l'imaginais. Ouais, je suis pas d'accord. J'ai trouvé que les réactions des deux étaient tout à fait dans le ton de leur personnage tel qu'ils l'avaient défini au début du jeu. Absolument. Moi, je considère que j'étais. Là, je te trouve un peu violemment dans le jugement de valeur là, qui est pas. Non, parce que justement, toi, tu jouais un personnage qui était humoristique. Un trickers, en fait. Oui, il avait un côté trickster. Ouais. C'est un personnage pas très sérieux. Un jeune... Camille a une expression assez juste pour ça. Un jeune branluchon. Ça faisait partie... Je me considérais pas comme détaché de la partie. C'est pas ce que je veux dire. J'étais dedans avec ce que ça impliquait. Mais effectivement, il y avait des personnages avec des caractères différents. C'est pas ce que je veux dire. Vous n'aimiez pas les mêmes approches. Voilà. Et ni les mêmes métiers. Ouais. Mais c'est logique. Oui, mais est-ce qu'on avait les mêmes attentes par rapport à la partie d'Oltré? Est-ce que tu penses que Manu et moi, on attendait la même chose du jeu? C'est pas garanti. Ouais, ça, c'est, si je peux me permettre, c'est valable pour à peu près toutes les nouvelle partie, nouvelle campagne, surtout quand en plus, d'une manière ou d'une autre, les joueurs ou le MJ jouent pour la première fois ensemble. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, bon, j'ai joué pas mal avec Paradox. Moi, c'est ma première partie avec toi. Maintenant, en fait, y a c'était un... aussi la première fois que je jouais à Oltrey. Je suis d'accord. Je veux dire, il y a forcément. Forcément un temps de un temps d'adaptation. Attention à ton micro. Et puis des moments où Flavie voulait intervenir. Faut se caler quoi. Flavie. Je disais tout à l'heure que on avait mis une heure et demie un peu je trouvais à se mettre dans le bain environ. Je pense que ça correspond à ce dont tu parles en fait. Mmh. C'est-à-dire le moment où pendant une heure et demie on a un peu cherché qui faisait quoi, quels étaient nos persos, etc. Et je pense que c'est à ça que tu fais référence. Maintenant je pense que cette heure et demie-là de recherche, elle est quand même assez souvent là dans les jeux dits plus ou moins traditionnels. Mmh. Et que c'est un jeu traditionnel. Enfin... Bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais en fait, globalement, il y a un truc... moi, je ne savais pas, par exemple, quand on tirait les cartes en fait, de patrouille ou... Enfin, surtout de patrouille, en fait. Je ne savais pas trop quel était le canon esthétique qu'il fallait rechercher. Ça m'a vraiment posé problème dans la partie. C'est-à-dire que, alors. C'est normal. C'était la première fois pour vous que vous utilisez ce genre de carte. Tout à fait. C'est logique. Tout à fait. Mais t'aurais pu nous dire, le but, c'est de faire, de la fantasy, dans un canon plutôt à la Tolkien. Donc, les personnages sont pas forcément humoristiques, les situations font pas forcément. Si, je vous l'ai dit, on fait du donjonverse. Après, c'est comme tu l'as dit toi-même, t'as jamais joué à donjon. Donc, forcément, l'univers donjonverse était étranger. Tout à fait. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que l'humour, fait partie du canon esthétique de Donjons et Dragons. Parce que alors, est-ce que on a le droit de jouer la 7e compagnie en vadrouille dans Donjons et Dragons? Ah voilà. Oui. Parce que si la table décide de faire ça, moi de toute façon en tant qu'MJ, voilà, je pars du principe que si les joueurs sont dans l'humour souvent, moi de toute façon, j'hésiterai pas à rajouter une touche de ce qu'il faut de noirceur ou de PNJ, mais les PNJ auront de l'humour aussi. Par exemple, le dragon, c'est un gros enculé. Absolument. Maintenant, je l'ai joué avec le sourire aux lèvres. Et, donc le dragon venait à plusieurs reprises. Je suis sûr pour les auditeurs de nous parler, faire de l'humour. Vous provoquer. Un personnage. Gérer des trucs, parce que, qui était absolument pas prévu, mais j'ai utilisé à mort. Par contre. Il avait de l'humour, mais un humour noir. Mais Camille voulait intervenir, Emmanuel aussi. Tu veux dire ajouter quelque chose, Camille? Ben en fait, ça va faire 2 ans et demi que je fais du jeu de rôle, moi, et du coup, tout ce qui est référencé grand classique de jeu, je les connais pas. Ouais. Donc moi, ça me pose problème en fait quand un joueur me dit, mais si, tu vas voir, c'est un peu à la donjon. Enfin, je suis là, je te vois, c'est super, trop cool à la donjon. Bon, j'essaye un peu de me faire mon idée. Tout à fait. Mais par contre, on peut citer des films. Par contre, des œuvres littéraires, c'est dans tel canon. Après, esthétique. Moi, j'ai pas du tout la culture rôliste. Bien sûr. Donc, du coup, tout ce qu'on va me dire, Lovecraft, oui, par mais exemple, humoristique, tu comprends là, bien. Là, pour le coup, oui, mais ça va toucher plus du grand public que du spécifique, en fait. Et de Lovecraft, par exemple, moi, j'ai jamais lu. Ouais. Quand on me dit, mais si, tu vas voir, tu vas peut-être réussir à comprendre si je te dis ça. Que dalle quoi. Donc c'est vrai que la référence me pose problème en fait. 30 secondes, Manu et ensuite Grimf. Manu, tu voulais dire? Alors sur cette histoire d'humour, moi il y a deux choses qui m'incitent à penser que Oltrey implique des situations rocambolesques et potentiellement un peu humoristiques. D'abord, c'est le texte qu'il y a dans les cartes et notamment dans les cool cartes. C'est cool parce que je voulais en parler. Dans les cartes, que ce soit d'exaltation ou de persécution. Qui incitent à imaginer qui sont souvent rigolos. Voilà. Les textes sont bien pensés et plutôt par rigolos. Par exemple, j'en cite un, je suis sûr que je ne risque rien. Bougez pas, les gars, je reviens. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un côté, en fait. Pourquoi croyez-vous que nous mangions nos morts? Tu cites la 7e compagnie. Moi, il y a des moments, ça me faisait clairement penser au donjon de Nehalbuck aussi, quoi, quelque part. Ça, c'est un travers des rôlistes en règle générale. Bien sûr, ouais, justement. Et moi, tu vois, dans la manière dont j'avais vu Oltrey, dont Grumpf me l'avait présenté au départ, avec le côté un petit peu politisé et tout du jeu et tout ça, moi, j'étais parti dans le trip de jouer sérieux. Tu vois ce que c'est sérieux, on joue là. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc du coup ça m'a ça alors m'a mais en fait, tu vois au bout de l'heure et demie, tu as commencé à te lâcher avec absolument. Nous aussi et c'est là aussi que l'ambiance s'est mise en place. Et du coup, je pense que tu as raison Manu de dire que en fait dans cette partie, c'est moi qui ai mal joué. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez joué dans le canon esthétique du jeu et moi j'ai pris une mauvaise peut-être que Grum, ce serait pas mal, dès le départ, dans le contrat social établi avec les joueurs, de dire oui, ce jeu est un jeu qui offre des situations rocambolesques. N'hésitez pas à rire autour de la table, à partager, etc. De préciser. Non, parce que le jeu est conçu pour être accessible aussi bien à des joueurs comme Camille, qui n'a aucune culture Donjonverse, qui a des vieux joueurs qui font du Donjonverse depuis 50 ans. 40, parce que chacun vient à la table avec, c'est une auberge espagnole, chacun vient à la table avec son expérience, ses envies, ses images, sa culture, de rôliste ou pas, littéraire ou cinématographique, vient avec ses envies aussi, de jouer sérieux ou de jouer humoristique, et ensuite ça s'affine, parce que comme c'est un groupe de jeu, c'est un groupe de joueurs, le contrat social ou l'organisation la manière dont les joueurs vont jouer les uns avec les autres se met en place progressivement parce qu'il y a des ajustements, des compromis, etc. Mais moi, je n'impose pas que telle ou telle carte soit lue de telle ou telle manière, par exemple, les cartes de patrouille. Il n'y a pas besoin. On peut s'inspirer des choses qui y a marqué dessus et d'écrire des situations qui sont extrêmement classique pour du Donjonverse, des choses qu'on a vues 10 000 fois et qu'on réinvestit parce que, tiens, sur le coup, c'est l'idée qu'on a, ou alors partir sur des choses complètement extraordinaires, complètement... Moi, ce que je veux dire, c'est que quand je joue... Alors, je joue pas à Oltré avec ma gamine, mais avec mes gamines, mais quand je fais des jeux type Donjon de Poche qui ont un peu les mêmes principes avec elles... Elles arrivent avec des envies, avec des images, des choses que j'aurais jamais imaginé, et aucun joueur adulte n'aurait imaginé. Et pourtant, ça fait du jeu, ça fait du jeu de qualité et de l'imagination et des images graphiques qui sont uniques. Moi, quand ma fille, le jour où elle maîtrise un jeu, et à un moment donné, donc, c'est elle qui était maître de jeu, et j'arrive à la maison de la sorcière parce que j'avais besoin de lui demander un truc, et il y a une énorme araignée qui m'ouvre, et une fille qui précise, c'est une énorme araignée, elle a deux yeux. Je fais, comment ça, elle a deux yeux? C'est bizarre. Puis elle me fait, oui, parce qu'elle ferme les deux autres pour que tu n'aies pas peur. Et voilà, et aucun joueur adulte me sortirait ça. Et pourtant, c'est le truc qui, moi, enfin, c'est juste hyper trippant. Donc là, en l'occurrence, les cartes de patrouille, c'est pas OMJ. Enfin, surtout pas à moi qui ai une expérience, une vision des jeux, etc., que je vais investir de toute façon dans la manière dont je vais répondre aux sollicitations des joueurs quand c'est mon tour de parler. Mais les situations, les PNJ, les images, les paysages, etc., c'est les joueurs qui les investissent avec leur propre niveau de culture et faut surtout pas se mettre comme, dans les dans comme le... tu parles bien. Non, mais faut surtout pas se mettre dans l'idée de rentrer dans un canon. Attends. Et de se dire, ah, je peux pas jouer à ce jeu là, j'ai pas la connaissance, non, j'ai pas le canon du truc. Mais imagine, attends, je voudrais donner la parole à Manu parce qu'il la demande depuis tout à l'heure, et à Camille ensuite. Manu. Alors, moi je crois qu'on peut aussi bien faire jouer la 7e compagnie que la Night Watch avec Oltré, et que dans les deux cas ça fonctionne assez bien. Je crois que d'accord. Le contrat social, il se trouve ailleurs, et je crois qu'il est présent. Je crois que la promesse dans Oltré, c'est qu'on va faire de l'exploration, qu'on va aller découvrir des zones sauvages, qu'on va en apprendre plus sur un territoire qui a été perdu, importe la façon dont on explore, ce qui compte c'est l'exploration. Plus dans le sujet que dans le traitement. D'accord. C'est une réponse. Camille, tu voulais ajouter quelque chose ? En fait, ce que moi j'apprécie, c'est que on a dû faire 6 heures de jeu, c'est ça ? Ouais, 6, 7 heures. Si on avait joué pendant 6 heures à la Nahelbeuk, je pense que ça m'aurait gonflé. Parce que bon, le Tagada pouet pendant 5 minutes, ça va. Mais sur 6 heures de jeu, en fait, ça aurait pas été jouable. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut tous apporter notre vision. Attention à ton micro. On peut tous apporter notre vision avec... par moment ça peut être humoristique, mais il y a un moment où aussi ça devient plus lourd, et à la limite que tout le monde se calme, enfin que chacun puisse apporter aussi Alors, donc juste pour répondre à ce que tu disais Grumes tout à l'heure, et ça répond, enfin je pense que Manu décale le problème, il botte en touche. dans sa réponse, mais c'est une très bonne manière de répondre, je pense. Ceci dit, mais je voudrais quand même insister, c'est très beau hein, tout ce que tu nous dis sur ta fille qui crée des choses et tout, ça a l'air magique, mais tu lui mets par exemple un joueur qui a envie de faire une partie de ton jeu de façon optimisatrice et tout, lui il en a rien à foutre de l'esthétique, ce qu'il a envie c'est de jouer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, de tester la technique et tout. Et ben, je pense que pendant que ta fille fait sa description, lui il s'emmerde, et pendant que lui il joue son optimisateur, ta fille elle se fait chier. Et je pense que s'il y a un joueur qui s'amuse alors que tous les autres autour sont en train de se faire chier parce qu'il y en a un qui fait de l'humour et tous les autres sont là, putain, ouais, mais merde, moi je voulais faire un beau dragon, tu vois. Un jeu, quel que soit le jeu, même les jeux les plus complets, les plus exhaustifs en termes de règles, de points de règles, de ceci, de cela, ne peut pas résoudre ce problème-là. Ce problème-là, non, ça ne peut pas. Parce que de deux choses l'une, plus exactement, il va le résoudre en excluant. C'est-à-dire que tel ou tel jeu Absolument. Va être fait de telle manière que un optimisateur ne dira, pourra pas y jouer. Ouais, non, j'ai pas envie de jouer. J'ai à pas ça. Envie de jouer à ça. J'ai absolument. Pas envie de jouer. Et il y aura, donc ouais. Les mecs qui joueront se retrouveront entre eux. Donc absolument. Moi, ça m'intéresse pas d'écrire des jeux comme ça. D'accord. Et ça m'intéresse pas de. Puis je sais pas faire. Et puis je joue avec les gens qui sont à ma table. Ça marche. Donc tout le monde est invité et voilà. Chacun vient. Alors après, ça rejoint l'éternelle question de faut être un bon MJ pour bien maîtriser. Enfin, faut aussi avoir des bons joueurs. Moi, je pars de ce principe-là, c'est-à-dire que quand j'ai une table de merde, je suis du jeu de merde, et ça m'arrive des fois. Soit que les joueurs soient pas en forme, soit que je sois avec des gros boulets, soit que plein de choses, peu importe. Des fois, il suffit d'un pour pourrir un truc. Quand t'as des bons joueurs, ou que t'as des joueurs habituels que t'as fini par former entre guillemets à ta manière de jouer, ou auquel tu t'es habitué, quels que soient leurs défauts, tu peux les prendre dans le sens du poil et leur proposer ce qu'ils veulent. Ça passe aussi par là. Okay, voilà. On est dans une activité sociale. On peut pas résoudre les problèmes sociaux uniquement par des règles. C'est très bien. Donc voilà, les auditeurs connaissent tes intentions. Moi, en tout cas, en tant que game designer, je ne partage pas du tout tes intentions. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est au contraire de faire en sorte que le jeu sélectionne à l'entrée les joueurs qui vont ensemble, ouais, t'es de droite, être, toi. Devenir, ouais, absolument, ouais, carrément. C'est ça, je suis de droite, carrément. Ouais, il y a un droit drôlement de gauche. Absolument. Donc, alors voilà. Je pense que c'est très bien. On a abordé ce sujet, on en a discuté. Comment s'en sortir des insultes difficiles, le grumpf après, il est mais tout perturbé. Comme je dis toujours, y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Donc, voilà, même jouer avec des boulets, ça, bon, c'est dur, mais ça le fait. Non, mais en fait, le truc, c'est... La preuve. Alors, je voudrais juste te dire un truc, c'est que la notion de boulet, c'est-à-dire de bon joueur ou de mauvais joueur, dépend du jeu que tu leur proposes. Ouais. Si le but du jeu, c'est d'optimiser, le boulet optimisateur, ça devient un super joueur dans un certain cadre de jeu. Alors que si le but, c'est de profiter d'un canon esthétique et de créer en cohérence avec ce canon, ton optimisateur, ça devient un boulet. Donc en fait, si tu sélectionnes à l'entrée les joueurs, tout le monde est un bon joueur. Fin de la conversation. Ouais, mais on va passer au chose. Comment tu fais pour sélectionner les joueurs? Ce que je veux dire, c'est que si tu commences à sélectionner les joueurs, tu te retrouves dans une situation. Soit je crois que le mot sélectionner n'est pas le bon, surtout. Parce que ça revient au même. C'est-à-dire que si tu dis, voilà, t'as ton groupe de joueurs habituel. Le grumpf. Typiquement, moi, j'ai un groupe de joueurs. Je sais que je peux pas leur proposer de cops parce que j'ai certains des joueurs qui n'aiment pas jouer des flics et qui aiment pas jouer des scénarios d'enquête. Ils aiment qu'il y ait de l'enquête. Bon, ils vont pas jouer à cops. Mais ils aiment pas que ce soit de l'enquête pure. Donc, jouer des cops ou jouer à Sovok ou jouer des choses comme ça, ça leur pose problème parce que notamment, par exemple, pour Sovok, jouer le médical, ils aiment pas ça parce que ça les rend malades, ils aiment, voilà. Carrément. On joue pas à ça. Mais, voilà. Alors, mais le problème, Très c'est bien. Que, finalement, là, on se retrouve dans deux cas de figure. Soit tu sélectionnes le joueur, soit tu sélectionnes le jeu. Moi, dans l'un et l'autre cas, je préfère faire en sorte de trouver les jeux qui vont me permettre de jouer dans toutes les configurations possibles, d'accueillir tout le monde. Mais ça n'existe pas, ça. Si. Non, parce que quand il y en a un, encore une fois, quand il y en a un qui fait A et que l'autre il est venu pour faire B, celui qui est venu pour faire B s'emmerde. C'est ce que je te dis, c'est-à-dire que tu peux pas trouver. Ouais, mais non, non, parce que je... parce qu'au bout d'un moment, non, parce que on est à côté du sujet. Non, on n'est pas à côté du sujet. On n'est pas à côté du sujet. Ce que disait Flavie. Vous avez joué effectivement la première heure et demie. Il s'est passé énormément de choses pendant cette heure et demie. Il y a eu beaucoup d'événements. Mmh. Il y a eu le dragon, il y a eu l'arrivée au fortin, il y a eu l'installation, il y a eu les explorations, les premières explorations autour, des choses qui étaient finalement très secondaire, oui, dans lequel il n'y avait pas d'enjeu, parce que moi, en tant qu'MJ, j'avais pas mis encore d'enjeu ou d'opposition parmi ces trucs-là. Je vous laissais découvrir le monde et vous placer par rapport au truc. Donc effectivement, cette première heure et demie a été une heure et demie de cadrage, d'apprentissage à jouer ensemble. Et puis une fois qu'on apprend à jouer ensemble et puis que les premiers enjeux arrivent et qu'il faut se positionner, etc. Le jeu il s'est fait et le contrat social il s'est formé à ce moment-là. Flavie. Et il s'est formé naturellement puisqu'on est une société, on sait tous jouer les uns avec les autres. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, avec le temps, tout arrive. Flavie. Alors. Voilà, moi, je vous écoute, je vois bien que vous êtes tous les deux écoles de game designers différentes. Oui, de bien différentes. Et moi, j'aimerais juste, de ce que j'ai entendu, je vais pas parler de sélection, moi je vais parler du choix du joueur. C'est-à-dire que dans ton cas, Romaric, tu proposes au joueur le choix dès le début, avant même de jouer. Mmh. C'est-à-dire, tu vas lui expliquer ce qu'il faut jouer, et si ça lui plaît pas, il joue pas. Dans ton cas, Grumps, j'ai l'impression que, en gros, on joue. Oui. Et on voit, en fait, si le canon nous plaît, si le truc qu'on joue nous plaît pas, on peut tout à fait arrêter de jouer. Là, je t'arrête tout de suite. Je pense que le Grumps, lui, ce qu'il dit, c'est tu joues, chacun arrive avec son veuille, on joue, et au final, la mayonnaise va prendre parce que chacun, au fur et à mesure, fait des compromis, et au final, il y a un contrat qui s'installe de ce mélange. C'est-à-dire qu'en fait, le Grumps, il mélange, en fait, les couleurs, il prend, l'optimisateur, je le mets avec un mec qui veut faire de l'esthétique, et un mec qui veut mettre de l'humour, je touille, et au bout d'un certain moment, la mayonnaise prend, quelque chose émerge, au bout d'une heure et demie, en l'occurrence, puisque tu l'as dit tout à l'heure, Flavie, ça a duré une heure et demie, mais parce que quelque chose émerge qui est cohérent. C'est drôle, enfin, pour moi, et pour le Grumps, rapide, quoi. C'est ça. Faire du jeu de rôle. Non mais peu importe, il y a pas mal de gens pour. Enfin, c'est pas le truc, c'est que je pense que nous aussi, on se connaît un petit peu. Moi, j'avais déjà joué aussi avec Camille, avec Manu. Ouais. Je pense que pour des gens qui se connaissent pas du tout et qui ont des façons, si on avait joué l'année dernière ensemble à Eclipse, Manu à Perfect. Ah mais oui, oui. Autant pour moi. J'avais les cheveux longs, j'étais blonde, c'était complètement différent. Ah non, mais Eclipse, c'est pas pareil. Je prends des psychotropes pendant Eclipse. Et donc, qu'est-ce que je disais du coup ? Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est bon aussi quand on arrive aussi à s'entendre. Mais il y a aussi, moi, j'ai déjà joué avec des tables de joueurs où c'était clairement pas possible de s'entendre. Et dans ces cas-là, on arrête le jeu. J'ai joué avec des gros fachos de droite. Et, au bout de pas longtemps, la partie s'arrête. Enfin, la campagne s'arrête et je dis non, vous revenez plus à ma table, mais ça arrive, je veux dire, on n'est pas obligé. Oui, mais c'est pour ça, que je parlais du choix du joueur aussi. Donc tu sélectionnes, pas à l'entrée, tu sélectionnes à long terme. Ouais, pas que. Manu. Pas que, parce que le mécanisme des cartes de patrouille et la façon dont le jeu est fait, notamment avec assez peu de points à répartir, assez peu de choix tactiques à faire, à mon sens, ça privilégie les joueurs qui sont plutôt là pour faire de l'univers, de la narration, faire du récit. On voit que c'est ensemble, un jeu. Et pas pour optimiser et pour mettre des points, pour mettre des grosses baffes dans la tronche plus en fort que le temps, voisin. En même temps, tu es en train de parler au magicien qui a rien dans aucun métier sauf oui, mais tout en magie. Il a poussé à fond ce qu'on peut faire. Romaric a poussé à fond ce qu'on peut faire en optimisation dans Ultré ou pas loin. Ouais, carrément. Il arrive à avoir un personnage qui est relativement puissant, mais effectivement, qui est un bon spécialiste. Mais c'est pas un jeu d'optimisateur, je suis vraiment super d'accord avec toi, Manu, pour dire que c'est un jeu qui pousse et qui encourage plutôt la proposition créative narrativiste. C'est-à-dire que le but, c'est de prendre l'autorité sur la narration. Attends, justement. Mais bon, ouais. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Attends, Grumph, soyons clairs. T'es venu sur le podcast de la cellule avec ton jeu pour avoir l'avis de la scène. J'ai le droit de rigoler et puis de trouver ça drôle. Et de me renvoyer à mes propres réflexions, à mes propres ironies. Je te donne la monnaie de ta pièce. Oui, mais t'as normal. Tout à fait raison. Ouais. C'est normal. Flavie, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a quand même quelque chose, je trouve, dans les cartes qui fait que il y a quand même l'esprit d'équipe qui s'instaure au fur et à mesure. Et je pense que c'est pour ça qu'il arrive au bout d'une heure et demie. C'est-à-dire que le jeu de patrouille fait qu'il y a un jeu d'équipe, qu'on va se donner des cartes, on va se donner des points. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui soude l'équipe. Et c'est ça qui amène l'équipe, en fait, à jouer ensemble. Et aussi, autre chose, le fait que Grum, dès le début de la partie, nous ait dit « Seul, vous n'êtes rien. » Ensemble, vous êtes plus fort. Oui, seul mais vous crevez. Ça, oui, oui, il l'a dit. Bah ça c'est un contrat social. Ça, non mais ça c'est un élément de contrat social. C'est-à-dire qu'il dit, bien, vous pouvez être parcouru de tensions qui vont être forcément. Il y en a qui seront pas d'accord sur l'usage que vous faites des psychotropes. Il y en a qui vont pas être d'accord sur la manière dont vous traitez les gens à qui vous avez promis de les libérer. Oh ça va. Mais il était dangereux. Mais ça crée du récit. Mais vous devez rester et ensemble malgré tout. Et c'est donc, mais ça, c'est un élément de contrat social. Et ça, il faut le faire apparaître, je pense, dans la base. Et donc, voilà, peut-être c'est... qu'il apparaît dans la base, j'en sais rien. Non, tout à fait. Mais voilà. C'est vrai qu'on n'a pas lu la... la base. Effectivement, de ce que disait Flavie, il y a beaucoup de petits mécanismes dans les compétences, dans les cartes, dans plein de choses qui sont faites pour pas avoir soi-même se générer des bonus à soi, mais générer des bonus chez un de ses petits camarades. Mmh. Et effectivement, ça fait partie des éléments qui aussi incitent à travailler en groupe, avec l'idée qu'en groupe, on est plus fort, ne serait-ce que parce que mécaniquement, on donne des bonus aux autres plutôt que de se les donner à soi-même. Et du coup, on fonctionne mieux ensemble. C'est vrai qu'il y a une cohésion de groupe qui est favorisée par le système. Il y a une des cartes, par exemple, pour moi, c'est le meilleur exemple, c'est une carte qui est réservée au tour de monstre, qui est une carte d'exaltation, qui dit, donc s'il y a un tour de monstre sur la table et qu'il l'a, il dit, voilà, si tu utilises cette carte au moment où tu as tué un monstre vraiment plus puissant que le groupe, donc ça implique de se mettre vraiment en danger, de risquer la vie de tout le monde, etc. Eh bien, non seulement le tueur de monstres gagne l'équivalent, enfin je crois qu'il gagne un dé de vie, carrément, mais tout le monde gagne un dé de vie. C'est-à-dire que c'est une carte qui va inciter le tueur de monstres à pousser les autres à aller au combat contre quelque chose d'énorme, mais derrière, y a une récompense pour tout le monde. La vie. Je retourne sur le truc d'équipe dont je parlais. En fait, pour le coup, jouer à un jeu old school, moi, je l'ai vraiment ressenti parce que, enfin, dans les jeux, dans les jeux un peu plus indie, obscur, anarchiste, tout ça, j'ai envie de dire qu'on essaye de créer presque des fois artificiellement un esprit d'équipe avant la partie. Ça peut être très bien fait, mais des fois, il faut être honnête, des fois, c'est dans aussi les un jeux peu artificiel. Un peu indie auquel tu as joué, on va dire inspiré des théories forgiennes, globalement, c'est ça dont tu exactement. Veux parler. Donc tu ça as trouvé dépend. Que l'esprit d'équipe était forgé artificiellement c'est avant pas la partie, toujours, alors pas que là, toujours. C'est le système lui-même qui l'a. Non, là, laisse-moi finir. Là, donc, je trouve. De résumer ce que tu dis. Là, après, dans ce jeu-là, j'ai plus eu l'impression de jouer à un jeu old school. C'est-à-dire que quand on se rend compte, c'est presque de la synesthésie au sens de, en gros, on va ressentir ce que ressentent les personnages. En gros, j'ai l'impression au début d'être qu'avec des boulets. Je pense à ton perso Manu, que nos deux personnages, Camille et moi, détestions au début parce que, t'étais pas du tout comme nous. Nous, on était genre les elfes qui se la jouaient un peu bourrin, tout ça. Et puis toi, t'étais le petit trickers et tout. Et au fur et à mesure, en fait, de la partie, c'est l'aventure va forger notre alliance. Le fait qu'on se donne des points, au final, on finit par s'attacher aux gens qu'on sauve. Et le fait que tu nous sauves finit par et en fait, on finit par créer cet esprit d'équipe là. Le magicien qui a failli lancer une boule de feu sur son compagnon. Non, oui, mais je non. Mais il ne l'a pas fait. C'est ça qui est important. Mais il ne l'a pas fait. Au final, soyons clairs. Premièrement, je ne l'ai pas fait. Deuxièmement, c'était hors game, c'était hors jeu. Quoi. Je me suis pas dit oui, je vais le faire. Non. Mais du coup, à aucun moment j'aurais fait. Le moment était drôle. À la table et que t'entends un autre joueur qui dit ah j'ai quand même lui balancé peut-être une boule de feu. Oui, mais toi, c'est ça aussi les jeux old school qui forment l'esprit d'équipe. Combien de jeux old school on s'est fait des grosses crasses. Pourtant c'est ça qui crée le truc en fait. Et puis Manu a cherché à nous pourrir aussi plusieurs fois dans le jeu, donc c'était un juste retour des choses. Il a réussi. Ça c'est vrai. a réussi. Donc voilà, donc il a récupéré ce qu'il a semé, si j'ose dire, hein. Des plantes psychotropes. Rappelons-le. Donc je suis tout à fait d'accord. J'aimerais préciser que c'est mon personnage à nouveau, une nouvelle fois. Oui, hein, oui, tout à fait. Non, non, ne t'inquiète pas, nous n'allons pas t'envoyer la police juste après. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fly, c'est-à-dire que le système implique nécessairement cette alliance des joueurs, et là on retrouve vraiment le côté old school et tout, machin truc. Ça je suis vraiment absolument d'accord. Traditionnellement, c'est une des choses que le système fait très bien. Traditionnellement, faire 4 groupes de 1 à donjon, c'est juste le TPK assuré, quoi. Et puis c'est ce que d'après ce que j'avais compris quand tu nous as présenté le jeu, c'était un peu ça que tu voulais retrouver en fait. Ah ouais, c'était clairement. Ces ambiances là où au début tu te retrouves avec un magicien, un marchand et un bourrin et tu te dis putain, j'ai rien en commun avec eux. Et puis au final il se passe des choses et puis c'est un peu le speed dating du PJ, quoi. Exactement. Et puis au bout d'un moment, bah chacun sort avec tout le monde, quoi. Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Ouais, ça c'est vraiment ton credo, hein. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres réflexions ? Tour de table, quels sont... moi, j'en ai plein. Hein. Je n'arrête pas. Hein. Je pourrais... Alors déjà, je n'ai pas fini mon truc de narrativiste, là. Donc, je vais continuer avec mes histoires de narrativiste. Parce que, bon, vous êtes repartis sur vos histoires de PJ et tout. Et c'est très bien, hein, je trouve. Vous avez tout à fait raison. Donc, le jeu a une dynamique, globalement, avec ses cartes qui vont inviter les joueurs à faire de la narration. D'ailleurs, dans Alltray, il faut savoir que une petite partie de la narration est partagée. En fait, ce qui se passe, c'est que les joueurs vont suggérer au MJ des possibilités. Mais à terme, c'est quand même le MJ qui dit comment les choses se mettent en branle. Alors, c'est clairement pour ça que dans le jeu, je définis la chose comme un jeu de rôle participatif, voilà. Et que j'ai éradiqué toutes les notions narratives du texte. Ouais. Il y avait le mot narratif, oui, à plusieurs endroits, des fois pour s'en rapprocher, des fois pour dire oui, mais contrairement à un jeu narratif, etc. Et en fait, ça apporte rien de positionner le jeu par rapport à des trucs dont les gens n'en ont rien à foutre. Donc, j'ai préféré dire ce qu'était le jeu plutôt que ce qui n'était pas. D'accord. Et c'est un jeu participatif. C'est-à-dire, tout le monde participe effectivement à la création de l'univers, etc. Et puis, de toute façon, qu'on lui colle une étiquette ou pas, un jeu n'est jamais totalement narratif ou autre chose. Là, clairement, on explore, on fait plein de choses. Oui, par contre, Fly, il faut savoir que si tu encourages des propositions créatives narrativistes et qu'au dernier moment, tu dépossèdes les joueurs de l'histoire, là, tu crées de la frustration. En l'occurrence, moi, il y a quand même deux, trois fois où j'ai ressenti de la frustration. C'est-à-dire que j'introduis un truc dans la narration grâce au système de cartes. Et au final, c'est le Grumpf en tant que meneur qui prend en fait le contrôle de ce que je viens de décrire pour, là où moi j'y voyais un avantage, me faire une crasse. Typiquement, à la fin, on rencontre un Balrog. Un joueur, donc Camille en l'occurrence, utilise son pouvoir narratif sur l'histoire, sa prouesse, pour faire dire au Balrog devant moi, maître, je vous remercie parce que c'est moi qui viens de libérer le Balrog complètement par erreur comme une pauvre crotte. Et du coup, cet élément narratif qui est censé être un bonus de la part de PJ. J'ai jamais dit maître, moi j'ai dit merci. Hein. Faut pas quand même. Non, c'est l'inverse, c'est maître. Faire péter les chevilles. Non, c'est l'inverse, c'est maître que tu lui as fait dire et pas merci, je crois. Merci. Bah, c'est vous qui avez interprété maître au départ. Ah oui, c'est nous. Mais en gros. Mais c'est parce que vous en pouviez plus. Oui, hein. Alors attends. Juste pour finir, ce qui est devenu. C'est l'effet Balrog. Ce qui devait être un avantage pour les PJ, un avantage narratif offert par Camille, est devenu en fait un désavantage pour notre groupe par le fait que le Grumpf ait pris la narration ensuite et ait dit. Il y a un dragon qui regarde ça et du coup le dragon devient votre ennemi parce qu'il croit que le Balrog est avec vous, en gros. Alors, donc ça veut dire il y a eu une rencontre de plusieurs éléments éléments qui de mise en scène. Après je peux faire des erreurs, enfin en tant qu'MJ là c'est pas le jeu qui est enfin je pense c'est éventuellement le MJ qui des fois est à côté de la plaque ou voit pas les choses ou considère pas les choses comme le, mais en même temps on n'est pas dans un story game donc on n'est pas là pour négocier non plus, il y a pas de système de négociation de gestion de la scène. Justement, faut pas parce que j'en ai rien à foutre. À un moment donné, Manu, ça le personnage de Manu, fuit le Balrog, remonte les escaliers. Moi, je savais que le dragon allait se pointer sur la situation, mais je savais pas à quel moment. Il se trouve que Manu fuit, remonte les escaliers. J'ai un don pour attirer les dragons. Il est en haut, séparé du groupe. Oh, c'est le bon moment pour que le dragon apparaisse en haut des escaliers parce qu'il se pointe. Et donc, qui en quelque part empêche Manu de passer. en parlant avec lui, en disant voilà, on... et en descendant les escaliers. Tout à fait. En fait. Et puis au même moment, Camille met en scène son effectivement le fait que le Balrog remercie son sauveur entre guillemets. Et je trouvais très amusant. S'il te plaît. Ça y est, les hommes n'en peuvent plus. Là, c'est le retour du Balrog. L'avantage, c'était que effectivement, le Balrog ne commence pas par attaquer immédiatement et par démonter la gueule du magicien d'entrée de jeu, mais s'agenouille. Et je trouvais très drôle que à ce moment-là, le dragon final, se pointe et assiste à la scène comme un quiproquo, genre tu vois, comme dans les Indestructibles, au moment où Monsieur Indestructible embrasse la secrétaire au moment où sa femme arrive. C'est très intéressant. Ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est très intéressant. Mais il faut pas dire que c'est les joueurs qui ont le pouvoir sur la narration. C'est toi qui as le pouvoir sur la narration, même si nous on participe aux éléments du décor. C'est du participatif. C'est pas du story game. Absolument. Je suis pas là pour lancer des dés pour savoir qui va. Mais vu que j'avais parlé de propositions créatives narratives, j'avais pas envie que ceux qui connaissent la théorie GNS se disent c'est un jeu narrativiste. Non, ce n'est pas un jeu narrativiste. C'est un jeu de participatif. Participationniste. Voilà. J'ai parlé d'Old School tout à l'heure et j'y reviens. Grumpf n'a jamais dit qu'on allait faire. Enfin, je pense qu'en fait, le souci, c'est qu'on a testé plein de jeux assez différents et dont certains étaient vraiment à narration partagée plus. Mais je suis d'accord. Mais Fly, tu vas encore faire ton rôle de médiateur. Non, c'est-à-dire... je fais pas mon rôle de. Laisse-moi finir. Je pense que le Grumpf a jamais dit qu'on aurait le dernier mot. Enfin. Absolument. Le Grumpf a toujours dit qu'il y avait un MJ et qu'en fait il se servait de ce que nous on a mis dans les cartes. Les auditeurs ne sont pas au courant de ce que le Grumpf a dit, donc il faut que je le dise. Tu veux comprendre? Là, c'est moi qui le dis. Ben oui, non, mais c'est. Il a dit que en gros on donnait des pistes qu'il suivrait ou tout non. Tout à fait, tout à fait. Et dans la mesure où c'est un bon vieux jeu old school, moi à chaque fois que j'ai fait un jeu old school, je me suis fait pourrir par mon MJ. Tout à fait. Bah, il y a quand même un côté ping-pong. Oui, et intéressant. Puis, les joueurs ont de la prise en main, pas que sur la narration dans le sens le déroulement de l'histoire, mais sur l'univers. Quand on parlait de plan psychotrope, les joueurs rajoutent des éléments d'univers et construisent l'univers. J'ai l'impression que quelque part le meneur a plus la main sur le récit avec les éléments qu'il a en tête, en faisant sien aussi ce qu'apportent les joueurs. Mais les joueurs apportent aussi beaucoup d'univers. Je te donne la couleur, Grumpf, fais-nous le tableau. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Ouais, typiquement, à un moment donné, par exemple, je crois que c'est toi qui avais la main, tu décris donc moi, une embuscade. Ouais, on toi, est à la radio. t'avais la main et tu décris une embuscade. Et tu décris une embuscade dans une espèce de canyon. Voilà. Et il y avait juste, ok, c'est un canyon, il y a des rochers de chaque côté et on est pris en embuscade. Et, ta description s'arrêtait là. Tout à fait. Moi, je m'empare de ça et je mets la scène derrière. Alors après, il s'est passé un certain nombre de choses. On s'arrête. Tu dis souvent, on s'arrête là où logiquement, en fait, le joueur, lorsqu'il décrit la scène, s'arrête là où logiquement le MJ dit, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, c'est ça le contrat de la carte de patrouille. Ouais. Tu décris tout ce que tu veux jusqu'au moment où le MJ prend la main en disant, ok, qu'est-ce que vous faites ? Mais tant que on n'est pas dans une situation de dire, ok, qu'est-ce que vous faites ? Le joueur a toute latitude. Là, typiquement, ce que je disais hier soir à Manu, je suis d'accord avec bien pu non pas me décrire juste un canyon, un bête canyon, qui était très bien tactiquement, ça se tenait vu les descriptions qu'on avait eues jusqu'à présent, etc. Ouais. Mais t'aurais pu décrire une vieille cité minière avec une statue immense et colossale dans un coin qui représentait un vieil homme à tête de poulpe. T'aurais pu me décrire les wagonnets abandonnés. Attention au canon esthétique. Non, pas forcément. Oui, mais enfin, t'aurais pu me décrire. En fait, en réalité, tu pouvais me décrire n'importe quoi. Même. Ok, il y a un croiseur interstellaire qui passe dans le ciel et il y a des hommes lézards qui descendent. Non, il y a un canon esthétique. Alors, ça aurait pas été un croiseur interstellaire, ça aurait été une pierre volante. Et effectivement, des hommes lézards vous tombent sur la gueule, pas de problème. D'accord. Je veux dire, on transforme le truc. Dans le jeu, il y a des pierres volantes. Par ailleurs, en plus, et je le mets à nombreux. Enfin, je l'explique au MJ dans le jeu, c'est un jeu dans la mouvance et là pour le coup vraiment old school de la science fantasy à la années 70, c'est-à-dire c'est façon perne d'escaflone en plus c'est façon perne quoi, c'est-à-dire que c'est du metfan mais il y a des éléments. Au secours, y a des les éléments, références. Il y a des éléments science-fiction, quoi, dedans. Bon, c'est bien, Scaflone. Qui peuvent expliquer certaines choses. Par exemple, le père des monstres, les monstres, etc., etc. C'est des propositions. Le MJ accepte de les prendre ou pas, les fait siennes. Ça permet éventuellement d'expliquer certaines choses ou de trouver des cohérences internes à des choses qui paraissent complètement farfelues et impossibles. Genre le métal qui n'existe pas, genre des tas de choses comme ça. Tout à fait. Ça fonctionne. Le truc, c'est que tant qu'on n'en est pas au point de « Ok, que faites-vous ?» les joueurs balancent de l'info. Après, moi, en tant qu'MJ, je vais pas dire non, je peux dire oui, mais. C'est-à-dire que je peux dire effectivement, ouais, ton croiseur interstellaire, ce serait quand même mieux si c'était une pierre volante. L'idée qu'il y ait un truc volant dans le ciel passe, c'est génial. Dans le monde tel qu'il est conçu, c'est les pierres volantes qui existent. Et ok, il n'y a pas censé y avoir de pierre volante dans le coin. Ok, maintenant, il y en a une, super. Et en plus, il y a des hommes lézards dessus. Ok, bah. C'est entériné de la même manière que j'ai entériné le dragon, j'ai entériné le truc, etc. Et toutes les autres éléments, etc. Donc l'idée, c'est que les joueurs, quand ils font leur description de carte de patrouille, peuvent y mettre absolument tout ce qu'ils veulent. Non seulement en termes d'immédiateté, de ok, j'ai une situation immédiate à décrire avec un truc qu'il va falloir qu'on résolve, mais aussi de ah ouais, j'aimerais bien que il y ait tel truc pour qu'on y revienne plus tard. J'aimerais bien qu'il y ait tel élément graphique. J'aimerais bien que tiens, il y ait telle chose qui existe parce que tu vois, un vieux manoir abandonné, un vieux palais impérial abandonné dans un coin, mais on y reviendra parce que moi j'ai envie d'avoir ma maison en dehors du fortin et je me dis que si dans ma carte de patrouille j'en profite pour me placer mon palais, de toute façon ça fera pas chier le MJ et après ce sera ce générateur de jeu parce que je vais pouvoir y revenir, engager des gens, créer des champs autour, me créer une vie en dehors, mais c'est moi qui amène le truc. Voilà, tu peux profiter des cartes pour mettre dans le jeu ce que tu as envie de recevoir en retour derrière. Très bien, de préparer en fait le check-off quoi, l'arme de check-off, le pistolet qui reste là sur la table. Exactement. On ne sait pas encore à quoi il va servir, mais on sait qu'il va servir. Il y a un moment donné dans la pièce où il y a quelqu'un qui va le prendre et s'en servir. C'est compris la référence Camille du flingue de C'est arrivé en partie là, grâce à une carte d'exaltation. Manu, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, moi, j'ai une réflexion et une question. Ma réflexion, c'est qu'il y a quand même un canon esthétique, parce qu'il y a un petit bout d'univers, parce qu'on donne un peu de contexte sur la patrouille, le père des monstres, on donne des peuples, on donne une ambiance. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, on met pas les gens dans l'espace sur des, sur des croiseurs interstellaires. Il y a déjà un petit canon. Il y a un canon esthétique. Hein. On le base effectivement sur une référence qui est le donjon verse, en étant dans quelque chose d'assez low fantasy. Non, mais c'est parce que. Enfin, pas trop, mais. Faudrait pas faire croire à nos éditeurs que dans Ultré, on peut créer tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça reste quand même dans le canon esthétique du donjon verse. Donc voilà. Et ma question, c'est plus pour le Grumph qui a quand même plus fait tourner le jeu. Moi, je l'ai vu que sur deux parties pour l'instant et pas corrélé, hein, pas deux parties à la suite. Justement, sur ces éléments qu'on place et qu'on pourra réutiliser plus tard, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une surcharge ? Grumph. À partir du moment où vous êtes en patrouille, à partir du moment où vous intéressez à ce qui se passe dans le monde. Prenez simplement vous, humain de base, enfin dans notre univers, le temps d'aller vous promener dans votre quartier et de voir les arrière-cours, les entrepôts abandonnés, telle ou telle maison avec telle ou telle façade, les punks avec les chiens, les mémés avec les chiens, etc. Enfin, je veux dire, le monde il fourmille de choses et c'est pas pour autant que la surcharge d'informations. J'ai envie de dire que de toute façon, ce qui n'est pas intéressant sera oublié. Et exactement. Il y a un droit à l'oubli des détails à la con, et il y a un droit d'utilisation des détails qu'on a envie de garder. Et de toute façon, contrairement à un monde, c'est là que ça devient intéressant, c'est que contrairement à un monde déjà écrit, dans lequel finalement tous ces éléments de surcharge, ça devient de la faux dump et de la surcharge informationnelle, là, c'est les joueurs qui se surchargent du nombre de trucs dont ils ont envie de se surcharger et qui mettent les détails qu'ils ont envie d'avoir. Flavie. Pour répondre à ça, il y a aussi quelque chose dont tu nous as parlé et que tu nous as montré, qui est le carnet de voyage, qui est tenu en fait toujours en fait dans la patrouille. À chaque partie, ça peut être toujours le même ou selon ce que les gens veulent faire ou ils peuvent changer. Idée, en fait, il y a quelqu'un qui note dans chaque petit hexagone de la carte, ce qui est trouvé ou ce qui n'est pas, enfin ce qui est intéressant ou pas. Et en fait, au fur et à mesure de ce qui est noté par hexagone, au fur et à mesure des parties, la patrouille revient pour voir s'il y a des détails qui les intéressent et qu'ils veulent revenir. Ce qui veut dire que moi, je pense pas qu'il y ait surcharge. Je pense qu'au contraire, tous ces petits détails peuvent créer les futurs scénars. Carrément. Et comme du coup il y a le carnet de voyage, carrément, et ça je trouve c'est une pure idée. C'est génial. Et ça aussi ça crée l'esprit d'équipe, c'est-à-dire que on peut du coup créer encore plus de patrouilles, encore plus de joueurs. On peut créer une patrouille qui est spécialisée dans les monstres, créer une patrouille qui est spécialisée dans d'autres choses, dans l'exploration de ruines ou ce genre de choses. Et comme du coup on a ce journal, on peut toujours revenir, en fait, comme quand on croise une vieille ruine et qu'on dit « Oh, ce serait bien qu'on revienne visiter ce truc-là plus tard. » Si un jour on n'a plus d'idée, on peut même, mais c'est, à mon avis, ça n'arrivera jamais, mais bon, on peut même aller regarder dans le journal et voilà, dire « Ah oui, vous vous rappelez, on avait vu ça. » Ah bah, y a plein d'unfinished business qui se créent au fur et à mesure. Alors, le carnet de bord, c'est ça, il faut rendre à César ce qui appartient à Miss Mopi. C'est Miss Mopi qui a vraiment structuré. Ah là, je suis fan de l'idée. Qui a structuré le carnet avec effectivement une manière d'organiser les choses. D'abord les PNJ, les trucs, enfin l'exploration par chronologie, l'exploration par lieu. Donc les cases ont des numéros, elles sont numérotées. Les business, etc. Et voilà. Les cases ont des numéros, elles sont numérotées. Ouais. Les hexagones sont numérotés. Ouais. Et donc le classique, quoi. Voilà, et le meneur, le chroniqueur, pardon, donc celui qui écrit le carnet, va écrire la case et ce qu'on y a découvert. Il faut aussi rappeler que pour considérer que quelque chose soit, qu'un hexagone soit totalement sécurisé, on a tiré 6 cartes et on peut aussi aller sur un point haut et tirer des cartes pour dire ce qu'on voit sur plus loin. Et du coup, quand on a fini d'explorer vraiment un hexagone, on le colorie, d'après ce que j'ai compris sur la carte. En gros, on colorie en vert, on dit, sauf changement drastique de conditions, genre une invasion de gobelins ou n'importe quoi, enfin, un truc qui change les conditions générales, un hexagone, ou alors parce que les patrouilleurs, ok, ça fait un an que vous n'êtes pas allé dans l'hexagone, mais un hexagone patrouillé régulièrement et dans lequel on a fini par tirer 6 cartes de patrouille, même au cours du temps. Il est sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne tire plus de cartes à cet endroit-là. Le voyage est plus rapide, il n'y a plus de risques, et ça permet d'aller chercher une récompense à l'exploration, d'ailleurs. Ouais. Et puis le coup des points hauts permet de poser de futurs jalons pour... Oui, les nids d'aigle. Paradoxe, tu voulais dire quelque chose. Ah oui, on arrive un peu sur une partie, là, comment on joue à Oltré, au-delà de la partie jeu de rôle, il y a quand même quelque chose qui tient du jeu d'exploration où il y a des mécanismes qui sont pas si éloignés du jeu de société. Ça amène deux choses quand même. Ça amène le fait que c'est un jeu qui est a priori fait pour jouer plutôt en campagne, ou si ce n'est en campagne, plutôt plusieurs parties d'affilée. En tout cas, c'est la sensation que ça en donne. Et c'est un jeu qui est fait pour potentiellement pouvoir jouer avec un groupe à géométrie variable. Ouais. Ouais, moi, l'été où j'ai commencé mes premiers tests, j'ai joué une semaine d'affilée. Enfin, on a fait sur 10 jours. Tu t'appelles un groupe à géométrie variable, je crois. Un groupe d'une partie sur l'autre, t'auras pas les mêmes joueurs. Voilà. Moi, l'été où j'ai joué, j'ai eu sur 9 séances de jeu d'affilée, j'ai eu 15 joueurs différents, mais j'avais jamais plus de 5 joueurs à ma table en même temps. Mais j'ai eu jusqu'à 15 ou 16 joueurs. Enfin, en gros, tout le monde y est passé, quoi. Toujours des membres de la même patrouille. Et toujours, c'était la même patrouille, c'était la suite de la campagne. Les gens se référaient au carnet de bord. Ils regardaient, ok, hier, il y avait un tel, un tel, un tel et un tel qui étaient là. Ils ont fait ça, ça et ça. Ils ont tel truc qu'ils ont vu, mais ils ne sont pas allés vérifier. Tiens, ce serait marrant si nous, on allait vérifier. Et boum, c'était une autre patrouille avec éventuellement des membres en commun ou pas, etc., qui allaient régler l'affaire. Voilà. Moi, enfin, voilà, ça m'inspire un truc maintenant. Voilà, c'est moi, je trouverais ça super, mais vraiment parce que je trouve que, en plus, on aime bien tous se raconter des fois nos parties, et c'est un peu, ouais, il me raconte qu'il a tué un dragon, j'en ai un peu rien à branler. Mais là, je trouverais ça super, mais bon, ça n'engage que moi, qu'il y ait un site internet et que. Et qu'en fait, les patrouilles puissent faire leur journal en ligne, et ça donnerait plein d'idées. Enfin, maintenant, moi, je trouverais ça vraiment super. Je trouve qu'il y a un truc là à faire qui serait voilà maintenant je dans ce truc, mais je trouverais ça génial parce que en plus ça ferait vraiment tout le truc des patrouilleurs du monde entier, tu vois, genre bah je vais il y aura un petit côté Minecraft où chacun va explorer le monde et découvrir des choses et ajouter, puis tu vois, en fait, au tout début du jeu on prend les archives qui sont certainement les anciens le carnets de voyage qui sont les anciens carnets de voyage pour prendre des renseignements sur l'endroit où on va aller. Qu'est-ce qui nous dit que cet ancien carnet de voyage n'a pas été fait par une ancienne team, et moi je trouverais ça vraiment beau qu'en fait il y a un site internet sur lequel c'est super ridicule s'il n'y a que deux tables en France qui jouent. Oui, mais s'il n'y aura pas deux tables en France qui jouent. Alors pour être sur cette idée un tout petit peu moins ambitieux, moi j'ai le sentiment que c'est un jeu qui est bien adapté pour du jeu en club où un meneur, voire plusieurs meneurs, disent ok, on va jouer toutes les semaines à Oltré avec les joueurs qui seront là, qui auront leur perso. Et puis si c'est pas les mêmes joueurs la semaine d'après, c'est pas grave, puisque c'est un autre groupe de patrouilleurs qui est parti dans un autre endroit. Tu peux avoir plusieurs meneurs sur la même contrée et du coup travailler sur une contrée peut-être avec des tailles un peu plus modestes. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été pensé aussi. Alors je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui est bien pensé pour jouer en club et pour jouer avec les contraintes de tout le monde ne peut pas toujours être là. Ouais. Bah ouais, parce que si un jour on se retrouve qu'à deux, et puis l'autre fois on est à cinq, mais c'est pas les mêmes, donc la semaine d'après, on s'en fout de toute façon. Comme le principe c'est que ce sont les joueurs qui se fixent l'objectif en début de partie, et qu'un objectif peut être abandonné temporairement, mis de côté, repris, etc. C'est les joueurs qui se fixent l'objectif et ils gagnent des points d'expérience, enfin en gros ils gagnent un niveau quand l'objectif est rempli. Donc il suffit que, ok, on était sur telle affaire, à l'exploration de la tour machin, mais là, les gens qui font l'exploration de la tour machin sont pas là, c'est pas grave, on est tous au bastion, on se fixe un autre objectif pour la soirée, avec les joueurs qui sont présents, on fait notre objectif de soirée, et puis la semaine prochaine, quand tout le monde sera là, on retourne on se fait une instance, voilà, basta quoi. Alors justement, comment tu doses tes objectifs ? Alors il y a quelques conseils, je donne des exemples dans le jeu, dans le bouquin, je les ai plus en tête. Parce que nous, si on donnait comme objectif, on veut tuer le dragon, on n'était pas sorti de l'auberge. Non, c'est le cas de le dire pour un jeu old school. Clairement, on serait mort. Après, le MJ peut être là pour conseiller, pour dire ouais, non, mais votre objectif là, il est un petit peu léger quand même, ou pas. Après, il y a un truc que je donne comme conseil. C'est, bon, y a un système d'antagonisme, c'est-à-dire c'est Jérôme Brand qui m'avait dit putain, on se fait trop chier dans ton jeu, il se passe rien, c'est bien de tirer des cartes, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, ça manque de tension. Et il avait parfaitement raison. Ce jour-là, la partie avait été franchement pas terrible de ma part, parce que j'avais pas de moteur spécifique autour de la table, justement par rapport aux autres joueurs habituels du reste de la semaine qui étaient eux super moteurs par rapport à des objectifs. Donc là c'était un petit peu prendre le train en marche, et il y a pas de conducteur dans le train, quoi, et le train est à l'arrêt. Donc c'est juste chiant. Et il m'avait dit, faut mettre des antagonismes. En gros, faut que quand il y a un objectif que les joueurs se fixent, il faut que le MJ de son côté se contente pas de dire ok, faites votre objectif, tirez des cartes, mais dise ok, qu'est-ce qui peut se passer mal ? Est-ce qu'il y a un PNJ qui va les empêcher d'arriver à leur but ? Est-ce que t'as envie de mettre un bout d'histoire qui change les choses par rapport, etc. Donc, le MJ est invité. Il a des outils qui sont proposés pour que le MJ puisse poser un antagonisme, une tension, des choses qui vont empêcher les joueurs, ou en tout cas rendre difficile pour les joueurs d'atteindre leur objectif. En l'occurrence, votre objectif aujourd'hui, enfin hier, votre deuxième objectif, c'était ok, on sécurise l'hexagone. Bon, ok, sécuriser l'hexagone, ça veut dire tirer 5 cartes, on gère les cinq rencontres et puis basta, c'est fini. Ouais, super. Bon, moi j'ai rajouté, donc j'ai fait mon petit boulot d'antagoniste et j'ai répondu à plusieurs questions. Qu'est-ce qui pourrait se passer mal ? Est-ce que j'ai envie de mettre en scène quelque chose ? Donc je me suis inspiré des rumeurs que les joueurs m'avaient données en début de jeu. Je me suis inspiré de la situation politique des lieux. Je me suis inspiré des autres factions qui étaient dans le coin et qui traînent et qui agissent. J'ai envoyé une troupe de gnolls, effectivement, qui avait un objectif et de retrouver un sanctuaire perdu pour un objet magique, ceci, cela. Et les joueurs sont tombés dans le truc, ont croisé leur chemin, se sont intéressés à l'histoire. Il y avait un problème de malédiction qui leur tombait sur le coin de la gueule en même moment. Tout d'un coup, le jeu, c'était plus simplement explorer le truc, mais explorer, c'était juste concomitant au fait de résoudre ce putain de problème d'invasion gnoll dans le coin. Ouais. Et donc, il y avait une tension qui se mettait en place, il y avait un scénario qui se mettait en place, et une tension extérieure aux joueurs qui se met en place, et qui complète ce que eux-mêmes amènent avec leur carte de patrouille. Mmh. Donc, une des manières de faire, quand un objectif est trop simple, eh ben, le MJ en fout plein la gueule des joueurs avec ses antagonismes. Si l'objectif est vraiment ambitieux, rien que le fait d'atteindre cet objectif ambitieux, le MJ n'a pas forcément besoin de rajouter des tensions énormes dessus. D'accord. Ouais. Il peut être plus léger, il peut en mettre, enfin, il doit en mettre, mais il peut être beaucoup plus léger et faire juste des choses qui... Donc le dosage appartient encore au maître de jeu. Le dosage appartient... Ton jeu, mais on va... ce sera probablement... Après, il y a des conseils, hein. Il y a des conseils quand même sur okay, qu'est-ce qui est acceptable pour un objectif, mais... J'essaie d'envisager toutes les possibilités d'approche des choses. Flavie voulait intervenir, on va revenir sur le rôle du maître. Moi, en fait, ça m'a fait penser à un truc... Voilà, vous savez, je rappelle aux auditeurs, on pioche des cartes de patrouille qui indiquent ce qui va se passer. Et je crois qu'il y a 12 cartes sur 36 qui indiquent rien à signaler. Ah, je voulais en parler, très bien. Et en fait, je pense que si aussi notre partie a mis une heure et demie à vraiment démarrer, c'est parce qu'on a quasiment pioché toutes les cartes rien à signaler au début. Ouais, c'est clair. C'est un hasard. Et un hasard, mais je pense que, mine de rien, certes, c'est un hasard, mais 12 cartes sur 36, c'est beaucoup. Moi, je suis tenu matériellement par le truc en termes de cartes pour faire deux jeux de 54. Et puis, parce que il y a trois catégories de cartes. Donc, il y a les découvertes, les rencontres et les détours. Donc, les choses qui sont liées à la route, les choses qui sont liées aux personnes ou aux monstres qui vivent dans le coin, et les choses qui sont liées aux ruines, aux vestiges, etc. Pour chacune de ces catégories, il y a 8, je les lis aux 8 motivations, puisque quand on tire une carte qui est de la bonne motivation, on a un bonus sur son jet, il y a tout un petit mécanisme à la con. Et puis il y a une thématique aussi qui est associée aux mots-clés que je donne pour chaque catégorie. Donc il y a 3 catégories, il y a 8 cartes pour chaque catégorie, et puis il me fallait une planche de plus, donc 9 cartes de plus, pour les rien à signaler, et puis la 9e carte des autres planches qui était aussi un rien à signaler, ça fait 12. Alors c'est à la fois frustrant, c'est pour ça qu'on a fini par mettre des petits bonus sur les cartes rien à signaler qu'on peut garder en main pour se donner des bonus plus tard, de façon à ce que le mec qui tire une carte rien à signaler soit complètement frustré. Je pourrais te proposer une solution juste rapidos, quand tu tires une carte à rien à signaler, c'est toi qui tires la prochaine carte d'exploration. C'est une des options, je crois que j'en cause dans le bouquin, c'est une des options que je propose aussi. Et ça, ce serait vraiment super. C'est une des options que je donne. Surtout que toi, t'en tires beaucoup de rien à signaler. Maintenant, faut comprendre que les rien à signaler, mine de rien, des fois, ce sont des. C'est une punition. Non, ce sont aussi. C'est bien qu'il y en ait. C'est bien qu'il y en ait. Mais moi, c'est la seule partie que j'ai faite. Et on en a tiré pendant une heure et demie, quoi. Non, enfin, vous en avez tiré 5 ou 6 sur les 8 premières. Soyons clairs. On en a tiré 9. Et à un moment, on en a tiré 5 d'affilée. Non, mais soyons clairs. C'était impressionnant. La carte rien à signaler, c'est une récompense pour les personnages, une punition pour les joueurs. Parce que les joueurs, ils peuvent pas décrire de trucs. Pour autant que je me rappelle, je crois que dans le bouquin, parce que j'en parle. Je suis pas entièrement certain, parce que nous, on était en début de partie. Mais il faut bien comprendre que, à nouveau, c'est un jeu d'exploration, on tire des cartes pour aller d'un hexagone à l'autre quand on n'a pas encore sécurisé des zones. Des fois, on a besoin de se déplacer. S'il faut tirer une péripétie quand on a 6 hexagones à traverser parce qu'on veut se rendre d'un point A à un point B, c'est la soirée qui y passe. 3 heures, et ça bouffe la soirée. Et c'est pour ça que j'ai bien dit que c'est la première partie qu'on a faite et que, honnêtement, on a quand même joué de malchance, quoi. Ouais. Enfin, 5 cartes, rien à signaler à suivre, sans compter le fait qu'avant, il y en avait déjà 3 qui avaient été tirées et qu'on avait tiré qu'une seule carte. Certes, c'était une carte de ouf que t'as tirée parce que t'as fait 3-8 d'affilée et tu nous as posé un dragon de ouf, mais quand même, on a fait pas mal de rien à signaler à suivre. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a une question de tirage, mais qu'au-delà de ça, les rien à signaler, faut pas les vivre comme des. Pour moi, même en tant que joueur, on peut pas les concevoir comme des punitions parce que des fois, en tant que joueur, ça t'arrange bien de pouvoir aller de ton point A à ton point B sans avoir 20 000 péripéties entre temps. Imagine, tout le monde est blessé dans l'équipe. Là, t'es censé retourner chez toi. C'est aussi un jeu d'attrition. Ça marche. Avec les ressources, les points de vie. Ouais. C'est un jeu d'attrition, les états préjudiciables. Du coup, le rien à signaler peut aussi être. Ouais, cool, rien à signaler. Là, on passe, tranquille. Ouais, c'est clair. Et puis, chaque carte apporte un bonus qui peut être l'équivalent d'une carte d'exaltation. Mais par contre, en termes narratifs, c'est ce qui est dommage. Des points de ressources supplémentaires. Tu décris rien. C'est ça qui est dommage. C'est bon, mais bon. Oui, voilà. Mais nous, ça a été ça dommage, a été mais parce que nous, ça a vraiment été un coup de malchance. J'ai envie de dire que c'est un accident. C'était circonstanciel. Tout à fait. Absolument. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, je pense que c'est la solution consubstantielle au jeu est une bonne solution. Mais elle est déjà proposée par par le GRUM, donc c'est à mon avis c'est une bonne manière d'éviter ce truc du RAS tout le temps. Bah bon. Oui, puis après, ou alors tu peux avoir des options du type quand on a tiré 3 d'affilée, non. Bah après tu ou alors tu tires ce qui serait génial, c'est quand tu tires une RAS, t'as le choix. Soit tu joues le RAS maintenant, soit tu le gardes pour plus tard et tu retires une autre carte. Et comme ça, tu peux prendre du RAS dans la réserve pour les cas où ça crée moins de hasard. Voilà, c'est ça. Donc il y a plusieurs options. Ouais, s'il y a plusieurs on laisse options, Gruff mettre de ses choix. Ça ne... Moi, j'aime bien le fait que quand même ce soit en aléatoire. D'accord. Est-ce que le meneur de jeu et les joueurs jouent au même jeu quand on joue à ton jeu? Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait vécu la même partie, qu'on fasse exactement la même chose. Je suis désolée, je comprends pas tout à fait ta question. Eh ben, en fait, j'ai l'impression que le maître de jeu est en train d'écrire en fait un scénar. En fait, le maître de jeu, il est dans une position qui est très. On lui donne la couleur et lui, il peint. Donc, il est dans une position hyper créative, d'accord? Il est dans la position du gars qui est... Enfin, moi, le Grumpf, en un parti, il a pas arrêté de se poser des questions, de s'interroger sur la suite, de comment il allait faire ci, de créer des trucs. Il était en panique. Il était en panique. Enfin, pas en panique, façon de parler, hein. Mais je suis jamais en panique. Non, mais il était... non, mais t'étais pas en panique, mais t'étais exalté. Voilà. T'étais en mode, putain, trop bien, il y a ça, mais je peux faire ça, je peux faire ci et tout. Lui, il avait plein de choix. On a senti qu'il s'est éclaté. Est-ce que les joueurs, ils ont autant de choix? Est-ce que les joueurs, ils sont pas en position d'attente de ce que le MJ va trouver? Mais en fait, j'ai envie de te dire que ta question est... comment dire? C'est un jeu old school, encore une fois. Enfin, que ce soit ce jeu-là ou un autre, je veux dire, quand le MJ, dans un jeu traditionnel, il a tout établi dès le début... Non, mais arrêtez de répondre toujours, c'est un jeu old school. Alors, je sais, autre... la question n'est pas là. La question, c'est que Grumpf avait un objectif. Il avait un objectif de décharger le meneur de jeu de son travail. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le but, c'était que ce soit accessible pour un meneur de jeu. Or, en fait, ce dont je me suis rendu compte en jouant, c'est qu'en fait, le travail que le meneur de jeu logiquement fait en amont d'un scénario de préparation, Grumpf, là, il devait le faire live, directement. En réalité, c'est pas... J'ai l'impression que Coltré, c'est un jeu qui demande d'avoir un meneur taquet. En fait, oui. Et que c'est très difficile à mener. Je pense que je pense pas que ce soit difficile, mais ça demande que le MJ soit éveillé. Et en fait, parce que mon objectif, que ce soit avec les cartes d'intrusion de Ship Tales ou les cartes de patrouille ici ou d'autres trucs un peu équivalents, mon objectif, c'est pas de gérer la facilité pour le MJ de créer ces trucs, c'est de faire en sorte que le MJ soit dans la position des joueurs, dans la même position des joueurs, d'être surpris par ce qui va se passer. Tac. Tu vois, c'est ça mon objectif. Et c'est d'où ma question. Est-ce que tu as vraiment l'impression que c'était un succès de ce côté-là? Est-ce que tu as l'impression que le MJ est dans la même position que les joueurs? Moi, si, parce que j'ai placé quelques éléments. J'ai des grilles. J'ai une grille de lecture générale. Je sais que il y a les gnolls là, il y a les kobolds ici, il y a les patrouilleurs là. Bon, ok. Les joueurs, par contre, me ramènent des choses. Le dragon, il n'existait pas avant le moment où la carte sort et que le mec il me dit il y a une ombre dans le ciel. Un dragon se pose. Ouais, super. Bon, bah ok, il y a une nouvelle faction. Non, mais moi c'était super, mais dans le sens pas. Oh putain, un dragon. Non, c'était. Ouais, ok, tu me mets un dragon. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais trouver. T'inquiète pas. Oui, mais tu vois, c'est toi. Je vais vous pourrir la gueule avec. Toi, tu t'éclates bien à dire. Bah, je sais pas ce que je vais en faire. Mais les joueurs aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est un peu comme si on était nous face à un meneur qui est en train de jongler dans la position de dire bon, on va lui lancer un truc en plus pour voir s'il continue à réussir à jongler avec. C'est assez plaisant. Voilà, donc en fait, le but des joueurs, c'est un petit peu de compliquer la vie du meneur de jeu. Oui, parce que encore une fois, c'est un peu comme pour le DK avec les crasses, etc. C'est je t'en envoie dans la gueule, tu m'en envoies dans la gueule. Tu veux me mettre un dragon, pas de problème. Maintenant, c'est toi qui va morfler, etc. Et puis, moi, ma position, c'est de dire quand je prépare un scénario à l'avance, qu'il est écrit, Grumpf. Eh ben, je me fais chier à le faire jouer tel qu'il a été écrit. Mais grave. C'est d'autant plus vrai, par exemple, sur un PMT, sur un porte-monstre trésor où, ok, j'ai mon plan, je sais que dans telle salle. Tu attends d'une partie qu'elle te surprenne aussi en tant que bien sûr, j'ai pas envie de me faire chier, enfin, je suis pas là pour me faire chier, je suis pas là juste pour gérer l'ego des joueurs, quoi. Et leur faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir aussi, j'ai envie que les joueurs me surprennent, j'ai envie d'improviser, j'ai envie d'être dans une situation d'improviser, d'avoir des outils pour improviser, j'ai envie que, je suis là pour raconter une histoire aux joueurs, mais je veux que les joueurs me racontent une histoire aussi. Donc tu ne crains pas du tout le joueur qui chercherait à pourrir son maître de jeu systématiquement? En tout cas, avec moi, il peut essayer. Et pour autant que je sache, tous les MJ que je connais qui se lancent dans l'aventure de faire du all-tray ou du chip tales avec, en mode intrusion, etc., ou faire du sandbox avec un côté, effectivement, improvisation, ils se laissent pas démonter. Surtout qu'il y a un côté aussi, je pense qu'à partir du moment où les joueurs rentrent dans la dynamique, dans cette dynamique aussi, et ça vient avec le jeu, etc., il y a un respect mutuel. C'est-à-dire que les joueurs vont titiller, vont m'amener des choses, vont faire « alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Et en même temps, ils savent que derrière, quoi que le MJ leur renvoie dans la gueule, ce sera leur tour d'accepter la chose. Donc, il y a une espèce Il y a un effet boomerang. Tu balances un dragon. Ouais, cool. Balance-moi un dragon, mais maintenant, tu vas manger derrière. Il y a un jeu d'aller-retour. Il y a un jeu d'aller-retour. Et puis l'autre, c'est « Ok, tu m'as rebalancé dragon dans la gueule, mais attends, je lui fais ça à ton dragon. Alors, qu'est-ce que tu vas réagir ?» Et y a un jeu comme ça. Dernièrement, j'ai fait un D4 de poche, un donjon de poche avec mon frangin et d'autres joueurs. La liche, le donjon de poche. Donjon de poche, c'est encore plus loin. Ça va encore plus loin que Alltrey pour certains trucs, parce que là, on s'installe à table et on dit au MJ, on sait pas ce qu'on va jouer. Et on dit aux joueurs, ok, c'est quoi le scénario que vous voulez faire. Tu vois. Et les joueurs me racontent une histoire et moi, je pars de là pour développer. Tu vois. Alors, il y a. Et ça peut aller depuis simplement le. Une bête histoire de ok on nous envoie ok il y a des mecs qui nous contactent pour avoir la mission c'est plus personne ne peut aller dans la vallée des herboristes, pourquoi, allez vous renseigner, démerde-toi avec ça, un troupeau d'herboristes en rappel, voilà. Et puis d'un autre côté, mon frangin, quand il m'a fait le truc, il m'a regardé en disant ah ouais, c'est à nous d'écrire le truc, et il m'a écrit en 3 minutes, enfin il m'a commencé à m'expliquer une histoire d'espionnage avec 10 factions impliquées, 12 traîtres, des trucs dans tous les sens, des MacGuffin à chier partout, et il m'a regardé en disant alors, et j'ai regardé, j'avais pris des notes. En fait, j'ai l'impression que dans ce jeu, c'est pas le MJ qui demande aux joueurs qu'est-ce que tu fais, c'est les joueurs qui demandent au MJ qu'est-ce que tu fais. Manu, tu voulais intervenir ? En fait, je crois que la démarche, c'est pour le MJ de dire aux joueurs, bon, avec quoi vous avez envie de jouer ? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre histoire ? Qu'est-ce que les joueurs apportent par leur carte de patrouille ? C'est quelque part ce qu'ils ont envie de voir dans leur histoire, puisque c'est eux qui l'ont placé. Et puis la démarche des joueurs, c'est de dire « Ok, moi j'ai envie de ça dans mon histoire, je te donne à toi en tant que meneur, maintenant je veux bien voir ce que tu en fais. » Mais non, parce que du coup, en tant que joueur, je vous arrête tout de suite. Tu contrôles pas l'histoire. Non, tu contrôles pas. Tu contrôles les ingrédients. Oui. Donc j'ai pas envie de voir. J'ai envie de voir ça dans mon histoire. Mais j'ai envie de voir un dragon dans mon histoire. Ok, j'ai envie de voir un dragon dans mon histoire. Oui, mais si c'est pas toi qui contrôle l'histoire du dragon, au final, tu contrôles rien. Tu dis juste, il va y avoir un dragon. Ouais. C'est pas déjà énorme. Pas mal. On n'est pas dans un story game, on n'est pas là pour négocier la scène. Encore une fois, on n'est pas là pour décider, non pas de la surprise de l'histoire, mais de dire que le MJ qui s'amuse. C'est une critique terrible qu'on avait faite. Vous êtes fait chier à Patient 13, par exemple. De quoi ? Vous êtes fait chier ? Non, à part toi. Non, je me suis pas fait chier en plus. Non, je me suis pas fait chier. Tout le monde a pris son plaisir. Donc vous avez pris votre plaisir de joueur. Comme dans un jeu je me suis pas fait chier. Alors attends, je me suis pas fait chier, mais j'ai ressenti à plusieurs moments de la frustration. Mais ça, tu t'en auras presque tout le temps. Oui, mais lié au système de jeu, après, pas lié à l'histoire. Après, t'en auras peut-être plus parce que j'aurais voulu être frustré par l'histoire, mais pas par le système. On t'offre la possibilité de participer et tout d'un coup, on dit oui, mais en fait non. C'est peut-être ça qui te frustre plus, mais en même temps, je sais pas. Ouais, je sais pas. Camille. Moi, j'aime bien l'idée d'être un peu frustré parce que. Si tout ce que t'attends finalement arrive, t'as pas de surprise. Encore une fois, c'est ce que je disais, Camille. Voilà. J'aime bien être frustré par l'histoire, j'aime pas être frustré par un système de jeu. Tu comprends ? Mais là, c'est MJ qui t'a frustré. Les deux vont ensemble, je trouve. Enfin, après, je sais pas. Hein, enfin, moi, j'ai pas l'habitude de plein de jeux différents, mais je trouve que ça fait partie du jeu finalement de se laisser, la possibilité finalement d'être frustré à un moment ou un autre. Je pense que si le maître du jeu gère bien. Normalement, ça te sera rendu à un moment ou à un autre. Ou alors, c'est que le maître du jeu, pour moi, n'a pas fait son boulot et t'es frustré tout le long, quoi. Bah, typiquement, je t'ai frustré de ton combat contre J'ai l'impression d'être le seul à faire l'avocat du diable. Là, les auditeurs, contre le Minotaure, n'empêche que derrière le dragon, quand il est venu, c'était la classe. T'as regardé. Ok, t'avais joué une super carte pour te sortir du souffle, etc. Tu l'as impressionné. Non, je suis pas l'avocat du diable. Clairement, il t'a dit, toi, mon petit, viens me rendre visite. Faut qu'on cause, avec un peu de respect dans la voix, alors que c'est putain de gros ville, enfin c'est un des trucs les plus gros qu'il puisse y avoir sur l'île, voilà. C'est aussi ça la récompense pour le joueur, enfin tout d'un coup de se dire ah ouais mon personnage Ce que disait Brand à un moment donné, et j'aime beaucoup, et c'est un truc dont auquel j'ai pas mal réfléchi depuis. Oui, c'est Saint Brand, Maître Yoda. Il va me tuer si je dis ça à l'antenne. Ah ouais. Et en plus, il écoute tous les podcasts de la série. Ouais, non, mais il va me tuer là. Mais ce qu'il disait à un moment donné, parce qu'il y avait un de ses joueurs qui était venu le voir en lui disant, mais putain, t'arrêtes pas de pourrir mon personnage, j'en ai marre. Tout, à chaque fois qu'il y a un truc qui s'écrase du ciel, c'est pour mes bottes. C'est toujours moi qui prendrai la gueule. Et Brand lui avait dit, mais réfléchis, tu prendras la gueule parce que je t'aime pas ou parce que j'ai envie que ton personnage brille ou en tout cas soit au premier plan de tout ce qui se passe. Et le joueur avait, enfin, pour autant que Brand m'avait raconté, mais il dit, bah, il a fermé sa gueule, il a joué, il était content de s'en prendre plein la gueule. Et je trouve que c'est important, effectivement. Moi, c'est un des conseils de Brand. C'est peut-être la meilleure manière de comprendre comment jouer Gritty, alors que je sais pas faire. Mais malgré tout, ça reste peut-être la meilleure manière de comprendre le truc. C'est si tu pourris la gueule d'un joueur, donc d'un personnage, c'est pas pour faire chier le joueur, c'est pour que son personnage brille, et des occasions de briller et de se mettre en valeur et d'être un héros, quoi. Manu, quelque part, tu pars quand même un peu du principe que tout le monde autour de la table est de bonne volonté et a envie de faire une ça, ça s'appelle un contrat social. Oui, ça s'appelle un contrat social. Je disais que ça manquait au départ et vous dites là, oui, on part du principe que ça existe. Que mais tout non. Monde, oui, oui, non, mais quand je disais que c'était pas un jeu qui me semblait être fait pour des optimisateurs, par exemple, j'étais dans cette idée-là. Quand je disais que c'est un jeu qui, à mon avis, fait pour faire de l'exploration et créer de l'univers, je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'on part aussi du principe que tout le monde est de bonne volonté. C'est pour ça qu'on laisse un peu la bride abattue sur les joueurs au moment des tirages de cartes. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Que les gens vont pas essayer, viennent pas pour péter le jeu, quoi. Ah mais ils viennent, ouais. Ouais, d'accord. Ils peuvent essayer. Enfin, ils peuvent essayer même de manière innocente. Enfin, je veux dire au sens où ils peuvent des fois aller trop loin parce qu'ils mesurent pas le truc, etc. Meneur compris. Je veux dire, à certains moments, il y a eu, notamment au moment des. Je crois qu'ils en ont pas intérêt quand même. Il y a eu une prouesse à un moment donné de Camille qui était un petit peu violente par rapport à la situation et qui était surtout pas cohérente. Il faut savoir que les prouesses permettent aux joueurs de rajouter aussi des éléments narratifs dans un succès sur un jet de dés. C'est-à-dire que il faut bien le préciser pour les auditeurs parce qu'on parle de prouesses depuis le début, mais c'est pas clair forcément. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'équivalent des cartes qu'on tire, des cartes de patrouille où on gagne de la narration dans les prouesses également. Gagne de la narration. Si on réussit un jet de dés, mettons moi je réussis un jet de dés d'érudition pour connaître la créature qui est en face de moi, je peux très bien, parce que j'ai une prouesse, rajouter un fait du style je sais également qu'il est sensible au feu, tatata, alors que j'ai justement la boule de feu qui va bien et qui va lui péter son crâne. Alors que le monstre, c'est pas décrit dans la description. Ça, c'est une bonne prouesse, ça. C'est pas dans la description du monstre qu'il est sensible au feu. Voilà, exactement. Prouesse qu'on obtient avec des tirages de dés particuliers. Alors ça, la prouesse, là, on a un vrai pouvoir narratif, pour le coup. Mais... Là, la prouesse, c'est vraiment bien. Ouais, et puis voilà. Mais le truc, c'est que la prouesse de Camille, on l'a négociée parce qu'elle n'était pas cohérente, enfin difficile. Moi, j'avais du mal à la rendre cohérente. En plus, ça faisait un peu double emploi avec la prouesse juste précédente de Flavie, donc c'était compliqué. Je me dis deux trucs vraiment équivalents l'un à côté de l'autre, plus un truc un peu difficile à rendre cohérent. Ok, on la négocie, on la discute, et on trouve. Alors ça n'a pas été facile, mais on trouve le truc qui va donner du sens à l'histoire et qui va contenter tout le monde. Donc il y a un petit peu un élément de négociation, mais là encore une fois, on lance pas les dés, on en discute, on se met d'accord juste pour le bien de tout le monde, quoi. Camille. Mais c'est ce que j'ai apprécié justement. C'est pas que je sois dans mon idée. Enfin, c'est ce que j'apprécie en fait. C'est du coup, on peut négocier. Si le MJ ça lui convient pas, on va quand même trouver un truc qui peut essayer de nous convenir à tous les deux et pas être juste dans la frustration du ça, joueur. Ça c'est quelque chose qui. Ouais. Donc pardon, du coup, Camille. Ça permet quand même d'assouvir quelque part ses envies, mais aussi de pas plomber ou d'essayer de planter un truc qui va pas fonctionner quoi. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les productions de John Doe, ça. L'aspect négociation. Je me souviens quand on a joué au Mille Marches avec toi, Manu. Il y a de ça plusieurs mois maintenant, tu me disais le négoce fait partie du jeu. Je ne sais pas si c'est les productions de John Doe ou les jeux du Grumpf. D'accord, ok. Excuse-moi, d'accord. Okay. Je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les productions de John Doe, j'en suis pas excuse-moi. Certain. Oui, non, j'en suis pas certain non plus. Nombre, en fait, mais en tout cas, pour les jeux du Grumpf, je voulais dire les jeux du Grumpf. On retrouve beaucoup. Oui, excuse-moi, effectivement. Tu as raison. Tout à fait. Tu as raison de me reprendre. C'était déjà dans le DK. C'était. Cette idée que. C'est l'idée que le MJ n'est pas un joueur différent des autres. Enfin. Fondamentalement, on est tous là pour négocier et pour négocier, pour jouer et que on peut aussi discuter quand les joueurs sont pas d'accord avec une décision du MJ. Moi, je l'ai appris à mes dépens sur des vieilles parties où j'ai vraiment été con, où j'ai posé, je parle du milieu des années 90, hein, des choses où j'ai vraiment été con avec certains joueurs, où j'ai imposé des choses de manière unilatérale, qui allait au contraire de ce que les joueurs avaient annoncé ou c'était leur intention. J'avais mal compris leur intention. J'annonce un truc et je refuse de revenir en arrière, quoi. Alors qu'en tant qu'MJ, j'ai juste planté le truc et fait chier les joueurs. Et après, je me suis fait engueuler à juste titre parce que j'avais pas compris, j'avais été con de pas négocier. Et c'est des leçons qui ont été assez dures à certains moments parce que mine de rien, quand ça risque de plomber une campagne ou ça fait vraiment chier un joueur auquel on tient et qu'on aime bien, c'est très embêtant quand. Donc c'est important de que le MJ soit aussi en mode, soit un joueur comme les autres, quoi. Flavie. Je pense que, selon moi, en gros, Oltré, si vous êtes un MJ toboggan, qui avait tout déterminé et où les choix de vos joueurs, c'est aller à droite ou à gauche, Oltré n'est pas pour vous. Je pense que, par contre, l'avantage d'Oltré. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Oh, c'est clair. L'avantage d'Oltré, c'est que... C'est un jeu bac à sable, donc oui, si vous êtes que, ça marche pas. Non, mais l'avantage, c'est que moi, par exemple, quand je suis MJ, j'ai pas toujours le temps de prendre l'après-midi pour créer le bac à sable, l'univers. Et en fait, ouais. Là, on le fait pendant la partie. Mmh. Et du coup... Il faut être sacrément balèze, hein, pour trouver toutes les idées du Grumph là, qu'il a trouvées. Mais faut, en cours de la partie, sans qu'il y ait de temps mort. Il faut être balèze. Ouais, mais il fait régulièrement. Imagine Christophe Leclerc avec ce jeu-là. C'est une dynamique à prendre. Il y a une chose qu'on n'a pas déterminée aussi, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a régulièrement des pauses. C'est que régulièrement, le Grumph, il prenait 10 minutes de pause pour faire certaines choses. Régulièrement, non, mais ouais, j'hésite pas à prendre des pauses. Ouais. Si, ouais. J'hésite pas à dire. Il y a des moments où il y a des pauses dans le jeu, il crée un donjon, il crée un dragon, il crée un truc. Je profite des moments. Il y a des tables apparemment pour créer tout ça. Oui. C'est-à-dire que ça sortait pas ex nihilo. En réalité, je profite des moments où les joueurs me disent bon, j'ai envie d'aller fumer une clope, ou faut que j'aille aux toilettes, ou je vais me faire un café, parce que ça arrive toujours. Et j'en profite pas pour me reposer. J'en profite. Ok, vous êtes pas là. Bon, les autres, on attend que l'autre revienne. On continue pas pour l'instant. Et hop, boum, je suis sur mon cahier en train de gratter des notes pour plus tard, de relancer des idées, de réfléchir à ce qui pourrait aller mal. Je profite de ces pauses-là, mais c'est les pauses viennent des joueurs, en fait. Mais du coup, c'est vraiment un jeu pour un certain type d'MJ. C'est-à-dire que moi, peu importe, mais moi, je suis ce genre un peu de MJ, et moi, je pense que ça m'arrangerait, tu vois, un truc comme ça. J'aime bien créer au fur et à mesure mes énigmes, mes machins, mes bidules, et au final, quand je commence un scénar, généralement, j'ai à peine quelques petits trucs de griffonner sur une page, et puis on voit au fur et à mesure. Là, au moins, il y a l'étape pour le faire. C'est le jeu pour faire ce genre de choses, en fait. Et ça a un double avantage, c'est-à-dire que je pense que c'est un jeu... C'est un jeu pour des gens qui ont des vies bien remplies. C'est-à-dire que on n'est pas toujours là. Après, quand on a un boulot et tout, on peut pas toujours se retrouver toutes les semaines. Donc c'est un jeu pour des PJ qui sont pas toujours là, pour des tables qui sont pas toujours réunissables. Et c'est aussi un jeu pour les MJ qui ont pas que ça à foutre de passer leur vendredi après-midi à créer le scénar qu'ils vont faire jouer pendant le week-end. Voilà. Manu. Et puis, sur ce qui est de la dynamique, moi, j'ai eu l'occasion de faire jouer à plusieurs reprises à Donjon de Poche. Et puis, c'est des mécanismes qu'on peut retrouver dans d'autres jeux aussi, sur ce qui est réutiliser les idées des joueurs au fur et à mesure de la partie plutôt que de s'être préparé toutes ces idées en amont. C'est un exercice pas évident, c'est sûr, mais il est de plus en plus évident au fur et à mesure qu'on le pratique. C'est un peu le côté, l'imagination, c'est un muscle, il faut l'entraîner, tu vois. Je crois sincèrement que parce qu'on le fait, on prend la rythmique, on prend les mécanismes pour repérer les idées des joueurs, repérer les trucs, apprendre à rebondir dessus, à les lier entre eux, apprendre les joueurs au dépourvu. Et du coup, c'est quelque chose qui vient. Mais effectivement, ça s'apprend. Mais comme on dit qu'il y a des bons joueurs ou des bons meneurs, je suis pas certain d'adhérer entièrement avec cette position, mais en même temps, je crois pas qu'on soit un bon joueur ou un bon meneur ex nihilo. Ça s'apprend petit à petit. On devient plus à l'aise avec l'interprétation d'un personnage, avec la maîtrise des règles de jeu, par exemple. Manu. Avec la maîtrise de l'improvisation en tant que meneur et de la capacité à réinvestir ce que proposent les joueurs. Et pour les joueurs aussi, parce que beaucoup de joueurs n'ont pas cette habitude, pour les joueurs aussi, prendre petit à petit l'habitude d'amener des bouts d'univers avec eux et pas d'être juste spectateur de la partie. C'est des choses qui s'apprennent, mais ça se fait bien. C'est des choses qui peuvent se faire, notamment pour les joueurs avec des joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle avant, parce qu'ils ne sont pas... Mais le meneur, il a intérêt d'avoir fait du jeu de rôle avant. Hein. dans Ultra. Pas entièrement certain. Le meneur, oui. Le meneur, oui. Le meneur. Je pense sincèrement que le meneur, oui. Mais les joueurs, je pense que ça s'adresse très bien à des joueurs qui n'ont pas forcément fait beaucoup de jeux de rôle avant, parce que c'est simple au niveau des règles, et parce que pour un joueur qui n'a jamais fait de jeu de rôle avant, amener des bouts d'univers, au-delà des problématiques de référence, amener des bouts d'univers, c'est pas choquant. C'est plus choquant quelque part pour un joueur qui fait de Donjons et Dragons très traditionnel depuis 20 ans, parce que c'est pas dans sa mécanique de jeu. Moi j'ai plein de questions, enfin là on commence à être limité, on commence à avoir fait le tour quand même, hein. Mais j'ai encore des questions. Alors, c'est par rapport... Donc là on va rentrer dans quelque chose de très technique, les dés explosifs. Ouais. Pourquoi les dés explosifs? Alors pourquoi des D8? Parce qu'on joue avec des D8. Ah, on déjoue avec des D8. Pourquoi on lance des dés explosifs? Pourquoi il y a 3 dés? Pourquoi on n'en prend que 2? Il y a 3 dés, un dé de prouesse, un dé de maîtrise, un dé d'exaltation. Le dé d'exaltation est un joker qui peut servir soit comme prouesse, soit comme maîtrise. Il remplace l'un ou l'autre. Le score de maîtrise indique le niveau de réussite du jet, et le score de prouesse vous permet de faire ces petites prouesses, c'est-à-dire rajouter des éléments de décor, des choses narratives, des éléments de narration qui vont influencer la suite de l'histoire. Donc, vous avez tout intérêt à ce que votre dé de prouesse soit le plus bas possible, parce que c'est comme ça que vous ferez des plus grandes prouesses. Et le jet de maîtrise, vous avez tout intérêt à ce qu'il soit le plus élevé possible. Donc, sachant à vous de savoir placer votre jet d'exaltation, c'est-à-dire votre joker, de manière à optimiser. Sachant que on a tout intérêt à ce que l'ensemble de l'addition prouesse et maîtrise soit la plus élevée possible pour battre la difficulté. Il y a un petit choix tactique, exactement. Alors, tout vient de la base du fait de faire du old school, c'est-à-dire de jouer avec un D20. Alors, il faut savoir, par exemple, que tous les monstres de Oltrey, c'est à peu de choses près les monstres de Labyrinth Lord et compagnie. C'est les mêmes caractéristiques, j'ai rien changé, ni au niveau de la CA, ni au niveau des dégâts. Enfin, la compatibilité, elle est à 95. CA, classe d'armure, parce que moi, je savais pas ce que c'était au début. Voilà. Il y a des règles de morale, il y a des règles, il y a la CDCA, ils ont des dés de vie, ils ont des points de vie, ils ont des pouvoirs spéciaux, ils ont, etc., etc. Et tout ça, c'est quasiment, pas recopié, recopier des bestiaires de type Labyrinth Lord et autres. J'ai fait ma sélection, j'ai pris les trucs, j'ai adapté ici ou là sur 2-3 trucs, mais sinon le bestiaire par exemple est d'un classicisme absolu. Y a très peu de modifications par rapport au bestiaire classique. Ce qui est intéressant pour le canon esthétique exploré, justement. Voilà. Ça... C'est vraiment sur les bordures que je vais modifier 2-3 petites choses. Donc on trouve tous les monstres, toutes les créatures de l'orque au gobelin, en passant par le géant, le pégase, le centaure, le limon vert. En gros, tout ce qui est du bestiaire OGL, donc or illiti, de la bolette et autres trucs qui sont réservés. Donc on trouve tout, voilà, ou presque. Donc il y a une compatibilité. Donc du coup, ça imposait que à la fois les niveaux de bonus au jet et le type de dé utilisé se rapproche le plus possible du D20 originel. Ouais. Et voilà. Et en fait, je suis parti en fait d'un truc que je joue un copain sur Cassius No à la L qui utilisait des D16. Enfin, il avait exploré plusieurs choses pour remplacer le D20 où il lançait donc au lieu d'avoir D20 plus bonus, il lançait D16 plus 4 plus bonus, ou D18 plus 4 plus bonus, ou D12 plus 8 plus bonus, pour varier le niveau, la granularité du hasard, et échanger un certain nombre de choses par rapport au fait que on réussisse ou on rate ses actions, etc. D'accord. Notamment en combat. Et moi, je trouvais l'idée du D16 vachement intéressante. Donc, ça demandait juste de lancer un D16 et de rajouter 4. Donc, de changer légèrement l'échelle de mes caractéristiques. D'accord. Et comme j'ai pas de D16 et que c'est compliqué à en trouver, sauf à passer par de la VPC et compagnie, ouais. Bah ok, on utilise 2D8. Et pour que ce soit plus fun... Au niveau de la proba, c'est pas la même chose, voilà. Donc on les rend explosifs. Parce qu'en les rendant explosifs, on retrouve la proba plus ou moins. Plus ou moins, hein, c'est au doigt mouillé. Bien, hein. Ouais. Et en rajoutant... Côté en plus, hasard, l'explosion, c'est ce qu'il y a de pire. Quoi. Et ouais, mais on s'en fout. Parce que finalement, j'avais demandé à l'époque où je bossais sur Oltrey, sur Cassius No, j'avais demandé aux gens les tableaux de probabilité. Et en ayant des dés, en gros, en lançant 2D8 explosifs, et puis en ayant éventuellement le dé d'exaltation qui remplace l'un ou l'autre, on se retrouvait avec des valeurs qui étaient très proches du D20. en termes de d'espérance et bon avec un système de cloche etc. Mais néanmoins voilà ça le fait que ce soit explosif on éliminait la cloche en fait on l'aplatissait énormément et on se retrouvait dans des situations vachement intéressantes. Et puis, c'est 3D8, ça permet aussi d'avoir du choix. Ça permettait, à partir de là, de faire un truc que moi, j'aime de plus en plus dans les jeux, c'est-à-dire d'avoir des systèmes de lecture de dés qui imposent non seulement de lire le dé pour savoir si t'as réussi ou raté, mais aussi des choix tactiques et puis des petits bonus. Typiquement, dans mon dernier jeu Cyberpunk, on lance 2D10, mais on ne considère que les résultats de 1 à 6. Et si tu fais 7 ou plus, le résultat fait 7 ou 12. Donc, si il y a un des 2D qui fait 7 ou plus, et l'autre en dessous, ça fait 7. Si tu fais les 2D au-dessus de 7, ça fait 12. Mmh. Donc, c'est 2D6 en réalité. Mais les résultats de 7 à 10 donnent en plus des points d'adrénaline qu'on accumule et qu'on peut dépenser pour déclencher des effets, l'équivalent de prouesse, ou d'obtenir des bonus à des jets, ou de déclencher ceci ou cela, ou des pouvoirs, etc. Donc, le fait qu'il y ait des dés qui soient... moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que les dés aient une valeur au-delà de la valeur numérique, d'où le fait que le dé de maîtrise permette de dire oui et, oui, oui mais, et donne les dégâts, et que le dé de prouesse, plus tu fais bas, te permette de déclencher des prouesses. C'est bien. Il y a une double lecture. C'est bien. C'est ludique. Est-ce c'est que drôle. Est-ce que tu crois que tu as besoin de l'explosion, quoi? Parce que l'explosion, attends, elle a failli tuer tout à l'heure, sur un jet de dé, ça a failli tuer. Ouais, et là, lui, il fait ouais, trop bien. En hochant de la tête, genre trop bien, quoi. Bah ouais, mais. Tu tues un personnage sur un jet de dé, tout ça, trop bien. Mais inversement. Tu tues un monstre sur un jet de dé. Moi, j'ai vu. Trop bien! Non, mais moi, j'ai vu des joueurs se foutre dans des situations avec des monstres monstrueux face à eux, qui étaient bourrés de points de vie et qui étaient super dangereux, et qui, par le fait de la coopération et de DJ explosif, etc., les abattent d'une flèche. Enfin, je veux dire, c'est Dale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la mort de Smaug. C'est juste génial, quoi. Enfin, on se retrouve, putain, il y a un dragon dans le ciel, je lui lance une flèche. Mais boum, j'ai fait 80 à mon mourir jeu. Sur un jet de dé pour un joueur, je trouve ça horrible, quoi. Non, parce qu'il y a des quand règles. Même pas mal de garde-fous, notamment la dépense de cartes d'exaltation qui permettent d'annuler une attaque. Donc, il y a suffisamment, à mon sens, de garde-fous pour éviter ce genre de pépin, sauf si vraiment on s'y met en position. Et il y a des règles de deuil. Voilà. Et il y a des règles de deuil. Un peu comme dans Tranchant et Tracon, où quand tu meurs, tu te prends un point de destin. Là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si un de vos compagnons meurt, et le mode old school, c'est aussi ça, c'est que on ne triche pas avec la mortalité du jeu. Tu perds ton perso, bah ok, t'en crées un autre, basta. En plus, tu le crées pas forcément niveau 1, enfin, tu le crées quasiment au niveau des autres joueurs. T'as pas forcément tous les bonus qu'eux ont pu gagner, etc. Tu perds un peu, mais néanmoins, voilà. Et puis surtout, avec les règles de deuil, ok, tu pleures ton compagnon, tu vas être mal pendant quelques temps, et puis quand t'as fait ton deuil, eh ben, tu te rappelles soudain que ton compagnon t'avait appris des choses et boum, tu gagnes des points d'expérience liés au fait à ton amitié avec lui et tu t'en rappelles comme ça. Intéressant du point de vue narratif. Ça, j'espère que ça peut pas permettre de tuer un joueur en plein fortin pour des bonus. Camille, tu voulais... En fait, moi, quand il m'a dit que je pouvais éventuellement mourir, je me suis dit merde, ça fait chier parce que j'aime bien mon personnage et en même temps, je me dis bon, voilà. Enfin, ça reste un jeu, ça va créer autre chose dans l'aventure. Et puis, si je veux continuer à jouer, j'en crée un autre, quoi. Enfin, ça me donne l'occasion d'explorer autre chose en tant que personne. Ouais, tout à fait. En tant que joueur. Attention à ton micro. Mais ça crée un rebondissement dans l'histoire qui est quand même assez inattendu. Sur un jet de dés, alors qu'on pourrait le choisir avec des cartes de persécution. Avec un jet de dés. Choisir la mort avec... de son personnage. T'imagines ? Ça sera encore plus fort du point de vue narratif. En fait, il faut pas se dire ce qu'on a. Quand on fait du game design, là en l'occurrence, il est venu pour faire un playtest, Grumph. Quand on se demande, il faut pas voir ce qu'on a. Il faut se demander ce qu'on pourrait avoir de mieux en améliorant le système. On est là pour améliorer les choses. Mais... pas là pour ni les critiquer, ni les assassiner. Ce que je trouve intéressant, c'est justement, je meurs sur un coup de dé, un coup de pas de bol. Pour le coup, ça me paraît assez réaliste. Merde, voilà. Oui, mais ça le but d'un jeu n'est pas d'être réaliste. Non, c'est pas ça, mais ça arrive. Le but d'un jeu, c'est de mettre des situations et des péripéties et des situations qui vont avoir des conséquences. Quelles que soient des conséquences positives, des conséquences négatives, des fois elles peuvent être les deux à la fois. Le dragon, il s'est barré avec la pierre que vous recherchiez, mais il t'a invité à venir chez lui. gros con. Voilà. Il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs. Elle est morte, elle serait morte, ok. Mais elle aurait peut-être créé quelque chose qui aurait amené autre chose, parce que elle aurait déjà, tu vois. Pour toi, c'est un événement. C'est un événement et donc ça se joue, c'est intéressant. C'est ce qu'on dit toujours. Un échec, c'est pas un échec ou une réussite, c'est pas un échec ou une réussite. C'est un coup du sort, c'est un événement. C'est juste, tu vas par là ou par là dans l'histoire. La parole à Flavie, qui la demande depuis environ une demi-heure. Je pense une demi-heure, non, peut-être pas. Je voulais juste revenir parce que, en fait, moi, j'ai eu l'impression, comme on me l'a expliqué, qu'en gros, c'était un jeu de patrouilleur et qu'en gros, on est un peu interchangeable. C'est-à-dire que le but n'est pas de garder son personnage hyper longtemps. Mais le but, c'est d'explorer. Et donc, si mon personnage meurt, j'ai toujours un autre perso dans la patrouille que je peux créer en 5 minutes pour venir après. Donc, en plus, c'est précisé dès le début que quand on n'a pas beaucoup de... quand on est un jeune joueur, qu'en gros, on peut mourir très facilement. D'où question, juste, et après, je te laisse reprendre. Grumph, réponse simple, réponse courte. Est-ce que tu gardes tes niveaux quand tu meurs ton perso? Est-ce que le patrouilleur que tu reprends commence au niveau 1 ou est-ce qu'il garde les niveaux? Pour autant que je me rappelle, je propose plusieurs options, avec les plus et les moins de chaque option. Mais mon choix personnel, c'est de faire commencer les patrouilleurs un niveau en dessous du plus élevé ou de la moyenne des plus élevés. D'accord. Flavie, je reprends. Donc, on a des patrouilleurs internes. Voilà, on est un petit peu comme dans Cthulhu, où il y a des investigateurs c'est un jeu de patrouille, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu, j'ai envie de dire, un peu Stargate SG1, il faut que l'équipe y ait chacun. Ça peut être intéressant d'optimiser l'équipe aussi. Surtout que le marchand est mort. Merci. On va pouvoir avoir un guerrier. Quand on a exploré des métiers, c'est sympa de reprendre quelque chose de complètement différent. Par exemple, moi, si j'étais morte, je pense que j'aurais pris un maître des bêtes. Mais c'est bien de le savoir dès le début. Moi, dès le début, je m'étais préparée en fait, au fait que je pourrais crever. Parce qu'une fois que tu as fait ta fiche une première fois, en fait, tu sais très bien comment la refaire en 5 minutes après. Le but, là, c'était pas de garder mon perso. En plus, j'avais fait... Tu vois rapidement où tu peux en venir. Le but, c'est vraiment d'explorer, mais aussi les différents personnages. C'est-à-dire qu'on explore la carte, mais on peut aussi, de ce point de vue-là, explorer tous les métiers, etc. Voilà, c'est un jeu d'exploration. C'est un jeu d'exploration, y compris des métiers. Et le seul vrai personnage de la table, finalement, c'est le carnet de bord. En plus, le fait de mourir sur un jet de dés, c'est con. Mais je pense que je l'aurais bien moins mal vécu que si, par exemple, c'est deux joueurs qui s'acharnent à te buter. Moi, ton personnage, il me gonfle, je le bute. C'est clair. Enfin, il y a quelque part, l'affect mais tu vois, est, là, est le moins système, brutal. Quoi. Oui, mais le système ici prévient contre ce genre de choses, puisque comme l'a très bien expliqué Flavie, le système t'encourage à faire du équipe. Donc du coup, tu n'as pas ce travers qui va, contrairement à ce que disait Manu d'ailleurs, je sais pas si on l'a très bien entendu, il disait on joue pas à vampire ou la vampire, c'est pas clair là-dessus. Sûrement. Un des trucs que j'aime bien, moi, c'est l'idée. En même temps, j'ai pas réussi. Tu vois, ça fait un moment que je joue à Oltré. J'ai pas encore réussi à tuer des joueurs. Enfin, à tuer de personnages. Jamais. Je les ai mis dans des situations, ils ont failli crever. On a des gros bonus. Mais les joueurs ont toujours trouvé que ce soit. Déjà, on a la un carte plus par rapport à TBNJ. Mais, oui, mais même, il y a les cartes d'exaltation. Et puis, alors que ce soit la carte d'exaltation pour éviter le coup au dernier moment, ou que ce soit la carte qu'un autre joueur joue in extremis en disant oui, mais en fait, il y a des symboles sur le mur qui me donnent l'ancien sort qui permet la résurrection, ou j'ai un vieux secret de famille qui me permet de faire en sorte que tu meurs pas. C'est arrivé plusieurs fois. J'arrive pas à tuer les joueurs. Enfin, moi, j'arrive pas à les tuer vraiment. Ça marche pas. Toi, à chaque fois, t'avais l'air très content de cette perspective. J'attends le moment où je vais y arriver, ne serait-ce que pour faire chier Brand, parce qu'il se moque de moi à chaque fois. Mais en réalité, je m'en fous de tuer ou pas les joueurs. Si ça arrive, ça arrive, basta. Mais de toute façon, j'y arrive pas. Donc, la question, à la limite, elle se pose même plus. Effectivement. Donc, les joueurs ne peuvent pas mourir sur un jet de dés, finalement. Donc, ce que je disais est faux ils ont toujours une carte à défausser pour relancer, etc. Et puis, justement, si on joue sur la longueur et sur l'attrition, il arrive le moment où tu n'as plus de cartes. Mais t'as toujours les autres qui ont des cartes ou les autres qui vont te sauver la vie au dernier moment. Il y a toujours le côté comme ça. Voilà quoi, mais. Manu, tu voulais intervenir. Le but de Oltre, je crois pas que ce soit de faire des seigneurs Gardakan, paladin level 54. C'est le but. C'est sérieux là, un jeu. Le but, je crois. Enfin, j'imagine que qu'un patrouilleur arrivé avec 15-20 dés de vie, il reste au camp de base et c'est des plus jeunes qui vont prendre le relais, sauf voilà. Pour aller des grosses expéditions. Quoi. Quand j'ai fait mes calculs, je crois que je suis arrivé. Si tu veux avoir rempli tous tes métiers à 8 partout, parce que c'est le bout, et à condition que t'aies pas eu de bonus et tu reçois beaucoup de bonus d'expérience à droite à gauche, je crois que c'est niveau 76. Mais bon, clairement, quand t'es niveau 20-25. Ton perso, il est tellement gros que, bah, en face, tu mets des choses vraiment lourdes. Mais en même temps, c'est intéressant de jouer des gros builds parce que finalement, pour arriver à ce niveau-là, ça veut dire que tu as quand même exploré beaucoup de cartes, beaucoup de coins de la carte, qu'il y a beaucoup de factions impliquées, qu'il y a beaucoup de diplomatie qui se met en place, qu'il y a beaucoup de gestion politique qui se met en place. Et finalement, comme dans la plupart des jeux, ça crée du jeu. Et il y a un moment où, de toute façon, tu vas pas sortir ton arme pour régler le truc parce que les gens savent que tu as les outils de ta politique. Voilà, et que tu peux appuyer ce que tu as envie de dire. Par contre, c'est la manière dont tu vas le dire, et ce que tu vas dire, et les choix que tu vas faire, qui vont faire le jeu. Et là, de toute façon, jouer à haut niveau, que ce soit, enfin, moi j'ai eu l'occasion de faire des campagnes d'ADD2 à des niveaux 18-20. Franchement, à niveau 18-20, à part se taper Orcus ou des trucs comme ça, et franchement, t'y vas pas forcément. C'est surtout de la politique, de la discussion, de la diplomatie. Une fois de temps en temps, tu fais un donjon et pour avoir le plaisir de taper tes dés et de faire des réussites critiques à chaque jet, parce que de toute façon, voilà, tu fais une réussite critique sur 10+ ou 10-, enfin bref. Peu importe, quoi. Il y a un moment où c'est pas ça qui compte, quoi. Ta vie. Il y a un truc dont j'aimerais parler. Alors. J'ai pas l'impression qu'on en ait parlé jusqu'ici. C'est un truc qui crée vraiment du jeu, c'est les ressources. Où, en fait, on peut pas partir comme ça en se disant ah, peu nous importe, nous allons pouvoir manger quand nous voudrons, je vais tuer un petit oiseau et nous aurons tout ce que nous voulons, tiens, prends ton aile. On en a pas parlé, en même temps, je trouve qu'on les a pas beaucoup joués dans la partie. Non, on les a pas beaucoup joués. Vous aviez l'avantage d'être dans le fortin. Donc, voilà. Parce qu'on pouvait revenir tous les soirs et il y avait la bouffe de prévu et tout. Ouais. Mais je pense que si on veut vraiment partir en exploration, il y a toute une partie. Toute une partie du scénar où tu vas faire bon, il va peut-être falloir commencer à poser la question de ce qu'on va manger, et donc il va peut-être falloir lancer une partie de chasse avant que la nuit tombe. Parce que c'est délicat d'en parler parce qu'on ne l'a pas joué. Quoi. Mais par contre, je sais que Manu et Camille l'ont joué sur une autre partie. Manu. Ouais. Et alors, quand t'es contraint à chaque case où tu te déplaces, en plus de te déplacer, d'aller chasser pour ramasser à manger, d'un seul coup, les voyages deviennent beaucoup plus longs, beaucoup plus risqués, parce que tu tires plus de cartes, donc il y a plus de péripéties, donc potentiellement plus d'emmerdements. Et puis en même temps, tu vois un groupe où, il faut compter les ressources, faut gérer. Quand il y a des combats, c'est de la ressource qui est dépensée. Et je pense que dans le long terme, c'est des choses qui jouent où effectivement, il y a un petit côté gestion léger. Vraiment léger, mais qui joue effectivement, qui pose cette question de l'attrition en expédition en disant, ok, le fortin et les personnes qui y sont, elles génèrent de la ressource, mais quand on part en expédition, on sait que la ressource, on va plus en dépenser qu'en gagner, on va falloir gérer ça, parce que la ressource, c'est la bouffe, c'est l'eau, enfin, c'est des mécanismes que moi j'aimais bien dans des vieux jeux type Rêve de Dragon, où on avait la sustentation, qui peut être pénible probablement pour plein de gens, mais ça donne un petit côté aventure au quotidien. Faut juste pas compter au brin. L'exploration, c'est ce dont on parlait avec Fly au début. L'exploration à la Samouraï Champloo ou à la Cowboy Bebop, où ok, on explore un canon, on explore des paysages, mais on en chie aussi pour trouver à bouffer. Et c'est ça qui va créer du scénar et créer du jeu et créer des relations entre les personnages. Ah oui, voilà, ça crée aussi du récit avec les personnages qui entretiennent des relations. C'est là qu'il peut y avoir aussi des trucs un peu rancobolesques. Hein. On peut très bien combattre certains un truc de chasse, mais comme dans Samouraï Champloo, on peut très bien participer à un concours de mangeurs de tarte juste parce qu'on a la dalle, quoi. Non, mais tout à fait, d'accord, c'est intéressant. Camille, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est on a vraiment T'as compris mes références Cowboy Bebop, Samouraï Champloo, tout ça? Oui, ça va. D'accord. Ouais. Elle n'est pas si jeune que ça. ça, on ne va pas le dire. En fait, ça change vraiment la partie. J'ai trouvé l'aspect gestion donne une autre relation entre les personnages. Enfin, on s'était retrouvé à devoir se diviser parce qu'il y en a qui vont chercher à bouffer, il y en a qui continuent l'exploration, et du coup, enfin, il y a vraiment une, ça devient vraiment une autre aventure, quoi. Carrément. Effectivement, maintenant que tu le dis, je me souviens très bien qu'à un moment donné, quand et du coup, t'aurais Manu, peut-être été moins frustré. Quand Manu a pris un objet à un moment donné, j'ai fait putain, alors il faut arriver, il prend son truc et tout, il va le garder pour lui, machin, ça crée du jeu, ça crée du c'était jeu. Une carte d'exaltation qui lui permettait de trouver un objet. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus Manu, finalement, avec son marchandage, si vraiment on avait dû traiter avec les gobelours, ça s'était mal passé, ou qu'on avait eu des problèmes de ressources, nous aurait été monstre utile. Alors que du coup, là, ta position de personnage humoristique là, il était, juste chiant. Était liée au contexte, mais voilà, il était juste chiant, absolument, comme dit Camille. Merci. Mais dans un autre contexte, t'aurais été le personnage. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début du podcast sur les chefs et les différentes manières de gérer la communauté en fonction des enjeux, etc. Vraiment là déjà. 2h30 de podcast, pas loin. Avec 2h30 ouais. Mais pas fini. Juste une dernière question. Oui, c'est vrai, là, il faudrait qu'on atteigne 3 heures. Anecdotique, vraiment. Hein. Tu parles de figurant, pas de PNJ, pourquoi ? Qu'est-ce qui te... C'est juste parce que j'aime pas les majuscules dans mes textes. D'accord, ok, ça marche. Pas plus que ça. Très bien. Je trouve que c'est laid sur une page de... Très bien. Alors pourquoi tu fais autant de... Comment on appelle ça déjà quand on dit RAS, pas les onomatopées, mais quand on diminue... Les acronymes. Les acronymes, voilà. Hein, tu fais beaucoup d'acronymes à l'oral. Il y a beaucoup de majuscules. Mais à l'oral, ça se voit pas. Les gnous et tout, là. Oui, mais ça se voit pas. Les gnous. Je pourrais gueuler les choses, mais ça se voit pas à l'oral. Alors qu'à l'écrit, il y a un côté esthétique qui me déplaît un peu. Puis figurant, c'est joli. Que personnellement joueur, bon, PNJ, voilà, bon, tout ça, quoi. Et puis c'est bien quand tu débutes, en fait, de pas avoir ce genre de vocabulaire. Parce que moi, au début, PNJ, les meujeux. Ça, putain, mais allez-y, expliquez-moi, là, bordel. Tu fais un donge avec ton meujeu et tes meujeux. Voilà, ouais. Donc, il y a des fois où j'ai un peu l'impression que le jeu de rôle, ça peut être un peu élitiste. Hermétique, c'est ça que tu veux dire, je pense. Pas élitiste, hermétique. Parce que c'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté hermétique qu'on est forcément partie des... Ça dépend des joueurs. Je t'assure, Romaric, ça dépend des joueurs. D'accord. Mais je veux pas te vexer, alors je vais dire oui. D'accord. Je vais aller dans ton sens. T'es au top. Mais il y a des fois où j'aimerais bien que les joueurs ils se montrent un peu plus pédagogiques. Qu'ils oublient pas que ça serait cool de faire découvrir à d'autres gens et sans dire PNJ. Hein. Tout à fait. Personnage non joueur là tout de suite. Figurant, ça, c'est vrai que ça a l'avantage d'être super clair quoi. Par rapport à personnages principaux. Mais les rôlistes sont fabuleux, hein. Tout va bien. Bon, je pense que c'est une excellente conclusion. Franchement, les rôlistes sont fabuleux, j'aurais entendu ça. Manu, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je voulais pas te pourrir ta conclusion. Vas-y, je t'en prie. Mais il y a une dernière idée qu'on n'a pas évoquée. Enfin, il y a deux trucs. Il y en a un, je vais l'évoquer très rapidement. Je l'avais dit, il est chiant. Ça recoupe des choses qu'on a déjà vues. En début de partie, pour lancer l'aventure, avant de lancer l'aventure, ouais. On demande à chaque joueur de sortir une rumeur. Oh mon dieu, oui, on a oublié de parler de ça. Oh. Et c'est pas très éloigné de ce qu'on a sur les cartes de patrouille, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier aux joueurs. Alors, où tout le monde a un petit bout d'univers à rajouter dès le début, dont on ne sait pas si c'est vrai ou pas, voilà. Mais ça donne déjà une couleur, un canon esthétique, qui permet de voir qui veut mettre quoi déjà. Tu vois, ça permet de faire un tour de table des joueurs pour savoir quelles ambiances amènent les joueurs, quelles idées ils ont en tête. Ça invite aussi le meneur à rebondir sur ces éléments décrits au préalable pour... c'est encore une fois, c'est pareil finalement. Finalement, ça va dans le même sens que les cartes de patrouille, sauf qu'au lieu de porter sur un hexagone, la rumeur porte sur l'ensemble de la carte en fait. Et puis c'est une rumeur. C'est avec ce que ça a de pas fiable, et ça c'est assez chouette aussi. Ouais, faut pas oublier que les rumeurs, ça faisait partie du corpus... du corpus des scénarios dans le B1, B2, quand tu arrives au château fort aux confins du pays. Des majuscules, des majuscules, B1, B2, B1, carrément, B2. Le B1, non, le B2. Ça, alors moi, c'est B1, le niveau B2, d'anglais européen, c'est ça ? Non, mais c'était le numéro des modules. Donc B1, je sais plus ce que c'était. B2, c'est le château fort aux confins des du pays. Les scénarios de Donjons et Dragons. C'était les scénarios de la boîte Donjons et Dragons. Ça a l'air tellement chiant, dit comme ça. Et non, c'était des bons trucs, quoi. Et moi, j'ai commencé avec ça. C'était vachement bien, quoi. Et dans ces scénarios-là, t'avais le moment où tu passais à l'auberge, où le MJ pouvait tirer des rumeurs sur une table et les rumeurs étaient indiquées vraies, fausses. Alors il paraît qu'il y a ceci, cela, et donc les joueurs passaient du temps, faisaient des jets pour obtenir des rumeurs, mais les rumeurs étaient écrites et venaient du MJ, enfin venaient du scénario. Mais encore une fois, l'idée dans Oltrey, c'est de reprendre tous les vieux codes au sens habituel. On retrouve la CA, on retrouve les dés de vie, on retrouve les rumeurs, on retrouve l'exploration de ruines, on retrouve plein de choses, mais de les faire, de retrouver ces éléments-là, mais de les faire de manière un peu moderne, ou en tout cas de manière un peu plus participative, quoi. Pas oublier, comme je disais, c'est un jeu participatif dans un monde ouvert, émergent, ouvert, bac à sable, émergent, parce que moi j'ai fait jouer le début de l'île, là, jusqu'au Fortin et autour, 3 ou 4 fois. 10 minutes de jeu après la première carte tirée, voire même avant la première carte tirée, au moment des rumeurs, au moment où les joueurs me donnent les rumeurs, j'ai déjà des univers complètement différents. Le monde n'est pas du tout le même d'une table à l'autre. Manu. Donc émergent. Manu. Et alors la deuxième remarque que je voulais faire, d'un élément qu'on n'a pas cité, on l'a passé un peu vite à la fin, mais quand tu parlais de reprendre les grands classiques du Donjonverse, il y a quand même un des grands, grands, grands classiques, un des éléments extrêmement importants qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est le loot, ouais, les trésors. Et en l'occurrence, t'as mis en place des mécanismes qui sont pas de multiples et longues tables de trésors, d'objets magiques, avec des classes en fonction des monstres, mais plutôt un système de répartition par points assez simplifié. Donc à nouveau, une variante moderne de problématiques anciennes, en tout cas en jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est du... Ouais, c'est moderne. T'as modernisé, en fait, le donjon classique des années 80. Et c'est un peu la classe, quand même. Il faut bien le dire. Surtout pour toi qui viens d'en jouer. le truc sur les points de trésor, ouais, effectivement, c'est que les joueurs... Enfin, les personnages, quand j'ai l'impression qu'il y a deux nanas là depuis tout à l'heure qui se foutent de notre gueule. Les gobelins. Littéralement, quoi. Respect robustesse, quoi. Non mais. mais c'est fini, oui. Franchement. Ça, c'est le phallocratie. Ça, mais Romaric, quand t'aimes bien, mais voilà, ça fait quoi, 2h30. Bon d'accord. Il peut pas lui demander. Hyper cadré pendant tout ce temps-là. Ok. Ça marche. Bon, très bien. Tu seras un stit, tu sais, ce sera la jungle, hein. En tout cas, voilà les ambitions que le jeu Oltrey possède. Maintenant, bon, il est encore en phase de playtest à l'heure où on parle. Je ne sais pas s'il sera en phase de playtest à l'heure où le podcast sera diffusé. Il y a des retours qui sont faisables au Grumph par le biais de son forum et par le biais également de Casus, sur lequel il y a un thread carrément dédié auquel tu réagis. En fait, c'est l'origine du jeu. C'est parce que j'avais envie d'écrire un truc dans ce domaine-là. Je voulais faire du sandbox. Et les premières idées, je les ai posées sur Casus No dans le forum création. Et le jeu, faut savoir que le jeu a été écrit en moins d'un mois et demi. Il n'y a pas loin de 2 ans. Et il y a presque 2 ans. Mais le jeu était fini en un mois et demi, complètement écrit, les 500 000 signes qu'il y avait dedans, enfin c'était bouclé en un mois et demi. Et après, ça a juste été de la retouche, du test, de la vérification que les règles fonctionnaient ou pas, et donc de la modification, des ajouts divers et variés. Là, clairement, tous les derniers playtests que j'ai eus font que ça tourne. Je sais que j'ai plusieurs tables de jeu qui tournent. Il y en a une à Paris, il y en a une à Bourges. Enfin, il y a des tables de jeu qui tournent à droite à gauche. Et elles tournent. J'ai pas de retour majeur, ni sur les mécanismes. T'as pas d'écran bleu, de problème de bug. Non, ça fonctionne. Tout fonctionne. Les seuls derniers trucs qu'il va y avoir à faire, c'est une dernière relecture éditoriale. Histoire de virer des petites coquilles qui restent. Enfin, au-delà des coquilles et des fautes d'orthographe, mais de virer peut-être des scories, des premières rédactions, d'expliquer mieux certaines choses, de préciser éventuellement ceci ou cela. Mécaniquement, le jeu y tourne. Il y a aussi une dernière vérification à faire maintenant, c'est sur le manuel du patrouilleur. Donc, la partie pour les joueurs, c'est les listes de sorts à revérifier pour être sûr qu'elles sont toutes. Que les sorts sont vraiment expliqués, qu'il n'y a pas d'effet de bord ou de point mort, enfin tu vois, d'angle mort que j'ai pas vu, et ça il faut que des gens s'y attellent. mais le jeu est fini, fini, testé. Moi, je suis sur les compagnons qui vont l'accompagner plus tard, enfin les suppléments, avec d'autres mécaniques de jeu, notamment une mécanique de jeu pour faire du all-train, non pas en mode patrouilleur, enfin pour faire du patrouilleur, mais non pas sur un territoire à hexagone avec des zones sauvages, mais pour faire du jeu urbain. Dans une cité, on ne compte pas plusieurs centaines de milliers d'habitants, truc énorme, façon l'enclave. Donc les hexagones seront peut-être plus petits, quoi. Il n'y aura pas d'hexagones. Ah, d'accord. La gestion. Tu ne peux pas faire la même chose, mais avec des hexagones plus réduits. Non, parce qu'en fait, des quartiers. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi, justement, à faire d'hexagones, du quartier, du machin, et ça ne fonctionne pas. Dans du cité, dans du urbain, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai trouvé un système. D'accord. J'ai trouvé une solution. On ne va peut-être pas en parler maintenant, mais voilà. On va en parler. Tu as trouvé quelque chose. J'ai trouvé en gros, on joue au niveau temporel. Et les informations, c'est pas de l'immédiateté, c'est pas des situations immédiates comme c'est le cas avec les cartes de patrouille là, mais c'est des informations, des rumeurs, des choses comme ça qui arrivent à chaque cycle. Et un cycle étant, enfin, et on joue sur un niveau temporel avec des cycles et puis des cycles de 10 cycles, enfin, etc. qui permettent de jouer du sandbox urbain. Avec des factions, avec de la politique, avec des enquêtes, etc. Vu que le jeu est en cours de finition, je tiens à dire que j'aime bien les illustrations des cartes. Moi, j'aime bien parler de l'esthétisme, en fait, généralement des jeux. Mais il y a des graphismes, en fait, sur les cartes qui font très Moyen-Âge. Et je trouve ça joli. Voilà. Donc. Ça dans le bouquin, il y aura très peu d'illustrations et en fait je vais surtout faire des enluminures en fait. Pour l'instant, il y a très peu de choses de produites, j'ai fait quelques lettrines, des choses comme ça. Ça participera aussi à l'ambiance, à la couleur du jeu. J'espère. Bon allez, on va vous laisser parce que de toute façon Camille n'en peut plus, hein, littéralement, elle est au bord de la crise de nerfs. Donc de la mauvaise foi, c'est faux. Donc et puis je pense que les auditeurs sont un peu pareil que toi, je pense Camille. Tu parles, ils ont éteint leur podcast depuis 2 heures. Oui, ça fait. Donc pour ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était vous aurez compris. Oltrait, un jeu d'exploration avec plein de choses à fouiller, Et c'est vraiment dommage parce que si vous n'avez pas écouté, vous allez louper la chanson que Romaric va nous chanter à la fin. C'est pas vrai. Putain, mais voilà, fallait pas l'inviter, quoi. Bon, et tu as pas dit ça vous a plu ou pas, en fait. Donc Manu, est-ce que tu pourras me rappeler Camille pour les podcasts parce qu'elle fout l'ambiance. Ouais, mais il y a aucun souci. Hein. Très bien, très bien. Alors ça vous a plu ou pas? Parce que j'ai pas eu la conclusion, moi. Ah. Oh oui, je suis frustrée. Je voulais la suite parce que je suis un druide maintenant. Allez, petit tour de table. On part la conclusion de chacun sur Oltrait. Petit tour de table. Pour mon ego. Moi, j'ai envie de retourner jouer en club pour mener Oltrait en club avec un carnet d'exploration avec 15 joueurs qui jouent pas tous ensemble et jouer de façon régulière avec avec une communauté de joueurs et une carte qu'on explore petit à petit. Oui, c'est vrai, mais le Grim fait penser déjà. Le Grim pourrait être le jeu est trop génial. Franchement, achetez-en, mangez-en, vivez-en. Bah, c'est bien. Ça fait 2h30, pardon. Alors moi, au tout début de la partie, j'étais un peu plus partagée. Puis en fait, après, j'ai compris en fait ce qu'amenait le jeu et je me suis bien marrée. Alors, je pense que si on est fan de jeux anarchistes et tout, juste c'est pas pour vous. Mais au contraire, c'est l'anarchie de ce jeu en fait. Mais moi, franchement, j'ai passé un bon moment. Alors par contre, c'est pas le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer. Mais je pense que c'est sympa. Et par contre, avec le carnet de voyage, moi, ça me donne envie. Voilà, le carnet de voyage me donne vraiment envie. Bon, bah, j'ai dit, hein, je suis frustrée de ne pas pouvoir jouer mon druide, du coup. D'accord. Donc, c'est la deuxième fois que je joue, donc je maîtrise toujours pas cette histoire de dés. Ça me frustre, ça aussi. Je pense que c'est aussi une question d'habitude. Hein, quelques difficultés à aborder le système de dés où tu choisis un dé. Ouais, voilà. Moi, et ça, de toute façon, n'importe quel jeu auquel je joue, ça me fout dedans à chaque fois parce que j'arrive pas à intégrer le système de dés. Donc, j'ai un traducteur généralement à côté de moi. Mais j'aime vraiment l'ambiance que le Grum apporte dans ces jeux, en fait. Hein. Vraiment. Il y a toujours un petit côté coopératif que moi j'aime bien et pas le côté gros bourrin où on se tape sur la gueule et il y a une espèce de compétition qui sait qui a la plus grosse. Et voilà. D'accord. Et ça, j'apprécie. Enfin, vraiment, ouais. J'apprécie, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est le côté exploration, le côté vieille ruine, ancien truc. Il y a un petit côté myste où tu découvres des univers, je sais pas comment dire. Tu peux toujours être surpris. Il y a vraiment toujours de la surprise. On a envie d'explorer toutes les cases du damier. Ça, c'est vraiment le gros plus du jeu. Le moins, moi, je suis convaincu que c'est un jeu qui, contrairement à ce que dit Flavie, favorise en fait l'anarchie. C'est-à-dire qu'au final, le système ne va pas mettre les joueurs d'accord sur ce à quoi on va jouer. Et même si, oui, il y a cette obligation d'être à la fin tous réunis et faire du jeu d'équipe et tout, je pense quand même qu'il y aura des problèmes. Il va y avoir des joueurs frustrés, il va y avoir des joueurs qui vont s'ennuyer un peu pendant que d'autres vont s'amuser. Alors peut-être que sur le long terme, ces problèmes vont se résoudre, mais je pense que le système ne garantit pas que tous les joueurs s'amusent nécessairement. Donc ça me pose un problème, vraiment un vrai souci. Mais sinon, le pari, l'ambition du jeu, l'idée de moderniser en fait le donjon, c'est vraiment super quoi. Alors moi ensuite. Puis le système, je le trouve très bien fait en plus. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, mais c'est hyper difficile à expliquer. C'est que le système est très bon. C'est-à-dire que c'est vachement bien huilé. C'est un jeu qui tourne bien, en fait. Ce que tu disais, il n'y a pas d'écran bleu, il n'y a pas de problème et tout. Oui, le système marche. Mais je pense que ça garantit pas forcément que les joueurs s'éclatent tous. Il va y avoir un moment donné où il va falloir accepter d'être un peu en retrait et de voir ses attentes remises en question, etc. Moi, c'est ça. Mais le système, sinon, oui, il tourne effectivement et il garantit de faire de l'exploration et de faire du jeu d'équipe. Ça, c'est clair. Donc il est fonctionnel. Le jeu est fonctionnel. Maintenant, il y a ce petit problème. Et je voulais dire aussi que, en dehors de ça, après, pour le petit plus. Moi, en fait, Oltré, mon souci, c'est que c'est un univers je trouve qu'il n'y a pas de, c'est divertissant, c'est super divertissant comme univers et tout, d'explorer des lieux inconnus et tout, mais il n'y a pas de problématique. Moi, personnellement, ce qui me touche dans un jeu, c'est que, ok, on s'amuse, on joue, on se divertit, c'est bien, mais il y a aussi un peu de réflexion. C'est-à-dire, le côté Spielberg. T'as un univers, ça pète, il y a des effets spéciaux, tu t'amuses, oui, mais en plus, t'as la plus-value, et ouais, il y a un petit peu de réflexion, il y a des enjeux, des trucs comme ça et tout ça. Et là, dans Oltré, moi, je les vois pas. C'est-à-dire que je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire, Grumph? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ce que je te disais en préparation du podcast hier. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'en réalité, il y a, ça, c'est personnel. Il y a des outils dans le jeu pour mettre en place des problématiques. Alors après, il n'y a pas de, il n'y aura de problématiques sociales à grande échelle que si le MJ amène des choses ou si les joueurs amènent des choses là-dessus. Mmh. Effectivement, ça reste un jeu de divertissement, c'est un jeu d'aventure, d'accord. Dans mon cyberpunk, qui est un spin-off de Oltré, par contre, par exemple, on joue des journalistes clandestins engagés, donc il y a toute une réflexion sur. Donc d'entrée de jeu, on joue du politique. Là, on joue du donjon, donc la politique, elle est annexe. Mais ce qui n'empêche pas que ce soit localement ou au niveau de l'île, enfin, parce que vous jouiez sur une île, il y ait en filigrane un certain nombre d'enjeux et de problématiques qui se mettent en place. Alors, qui existent déjà, parce qu'elles sont décrites dans les 4-5 pages de description de l'île, 3 pages de description de l'île, où qu'on crée, qu'on avance, typiquement le dragon qui n'est pas prévu, mais c'est un vrai enjeu. Tel que je l'ai imaginé quasiment tout de suite, c'est un vrai enjeu, de par sa nature, de par sa puissance, de par ses ambitions et ses motivations, de par sa position sur l'échiquier existant et de par ses relations qu'il va entretenir avec vous. Un petit peu de jeu du chat et de la souris où il va beaucoup que s'amuser. Que désire-t-il? Que veut-il? Voilà. Et tout ça, ça peut rester à un niveau purement aventure. Avec une espèce de méchante pacotille façon le prisonnier de Zenda ou Captain Blood ou des choses comme ça où voilà finalement on est dans j'adore l'aventure. Tout va bien Camille, tout va bien. J'adore tes références. Ou alors ça peut être des choses beaucoup plus ça peut se transformer en des trucs vraiment lourds vraiment importants avec une Je pense que ça dépend, forcément, ça dépend des attentes des joueurs et de la capacité du MJ à investir ce genre de choses. Mais en fait, c'est ça le problème. Du all-tray maîtrisé par moi, ce sera pas c'est du all-tray maîtrisé par Jérôme. C'est ça le problème que je signale depuis le début. Ça dépend de l'attente des joueurs. Et le problème, c'est que tu vas avoir des joueurs qui vont arriver avec des attentes différentes. Ouais, mais encore une fois. Ton jeu ne garantit pas. Non, mon jeu ne garantit rien, mais parce que c'est pas son but. Et de toute façon, moi, en tant que créateur, c'est pas mon objectif non plus. C'est-à-dire que, je préfère un jeu, enfin clairement, je préfère un jeu où je vais me faire chier la moitié du temps qu'un jeu où je vais me faire chier tout le temps. J'exagère, moi je garantis pas, je peux pas et je ne veux pas garantir le bonheur. Chacun va se démerder pour trouver son plaisir de jeu à table. Moi je propose des mécaniques et les gens en disposent derrière et je veux pas imposer quoi que ce soit ni mettre des choses qui vont bloquer le truc, quoi. Flavie. Je pense que quand on dit aussi on fait un donjon moderne, moi Donjons et Dragons c'est pas un jeu à la base qui me plaît, hein, parce que justement il n'y a pas ce genre de choses. Moi je suis plus une fan de choses à la Agone et du coup je sais pour le coup, même si je me suis bien marrée et tout, ce que je disais, enfin, il tourne bien, je me suis bien marrée et tout, mais ce n'est pas mon genre de jeu. Non, mais c'est clair. Ok, je vois ce que tu veux dire aussi, c'est que du point de vue esthétique, du point de vue des personnellement, en fait, objectivement, c'est un jeu qui te convient, mais subjectivement, c'est pas le tatas de thé. Un jeu que je trouve fonctionnel, voilà. Etc. Si vous aimez bien ce genre de truc, si vous aimez bien le donjon et que vous voulez jouer à un donjon moderne, je pense qu'il est fait pour vous, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Ok. Manu, tu voulais ajouter quelque chose ? J'ai une dernière petite précision. C'est justement, en parlant de donjons modernes, on a évoqué à plusieurs reprises Donjons de Poche. Pour les auditeurs que ça intéresserait, qui ne seraient pas déjà au courant, parce que Oltré, à l'heure où on enregistre ce podcast, n'est pas encore sorti. Ouais. Mais Donjons de Poche est disponible gratuitement. C'est un jeu de rôle qui fait 3-6 pages, je crois. 7 pages avec l'extension. 3 dans le bouquin de base et 4 avec l'extension. Qui est disponible sur le site du Grumpf et dont certains mécanismes sont directement tirés des mécanismes de Oltré, notamment sur ce qui est un petit peu de partage d'univers et un petit peu de partage de récits. D'accord. Donc on peut retrouver en fait un petit peu les sensations qu'on a eues à Oltré ici sur les donjons dans Donjons de Poche. Donjons de Poche. D'accord, ouais. Très bien. Impeccable. Bon, et je pense qu'on a déjà suffisamment. Mais c'est très, très intéressant de te voir sur le podcast de la cellule Grumpf avec Manu et Camille, nous présenter aussi ces jeux-là qui sont pas, en fait, nous ici, les jeux tels qu'on les imagine, quoi. C'est-à-dire que c'est du jeu pour toutes les attentes. C'est-à-dire que toi, t'as un jeu qui est fait pour toutes les attentes. Alors que les jeux qui vont, par exemple, ici sur le podcast de la cellule. De quoi, qu'est-ce que tu dis? Alors on est reparti pour une heure. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, ta gueule. Mais encore une fois, c'est pas la même ambition, mais c'est la même passion. Mais voilà, le principe, ça. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Le principe du jeu pour toutes les attentes, encore une fois, c'est un truc, c'est pas moi. Enfin, c'est un truc, c'est un copain qui est maître de jeu, qui est un excellent maître de jeu et qui part du principe que il s'arrange pour que à chaque séance de jeu, chaque joueur ait son quart d'heure de gloire. Et son moment à lui pour briller ou pour faire un truc. Et pendant tout le reste, il s'emmerde. Non, il s'emmerde pas. Il est impliqué et il y a un nightlight. Il y a un coup de projecteur. Et des fois, ça peut être un coup de projecteur sur un scénario complet. Mais le scénario d'après, c'est un autre joueur. Et en fait, comme ça tourne, comme les uns après les autres, les personnages sont mis en valeur, etc. Tout le monde est content. Tout le monde a quelque chose de magique et de majeur à raconter sur sa partie, et en même temps assiste au moment de gloire des autres, ce qui est aussi valorisant, surtout quand on a un rôle de sidekick important. Enfin, tu vois, et donc c'est un truc pareil, c'est un conseil qui vient pas de moi, c'est un copain qui a théorisé le truc, mais qui l'applique moi j'essaye d'appliquer aussi. Je dis pas que tu as inventé le jeu de rôle, Grumpf, soyons clairs, mais je dis que tu arrives avec des projets, c'est-à-dire en tant que créateur, auteur de jeu, tu arrives avec des projets qui partent de prémices qui ne sont pas celles avec laquelle des gens, par exemple, de la Forge pourraient créer des jeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu pars d'un autre, tu es un autre regard, en fait, sur le jeu de rôle que celui qu'on soutient, en règle générale, sur la cellule. Voilà ce que je disais. Je ne dis pas autre chose. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est très intéressant d'avoir des gens comme toi qui viennent ici pour présenter cette manière de voir, qui est respectable. Encore une fois, c'est pas, on n'est pas là pour se, on n'est pas là pour, fini, moi je me casse, on n'est pas là pour se blaster. On est là pour s'écouter, voilà. et donc c'est intéressant d'entendre ces points, se confronter et discuter. Ouais, ouais, non, de toute façon, puis de toute façon, enfin moi ce que je remarque en tant que MJ aussi, c'est que vous jouez pas différemment des joueurs avec qui je joue d'habitude, quoi. Enfin. Réellement. Tac. Non, mais vous jouez de la même manière. Bah, heureusement. Vous avez juste des attentes différentes. Ouais, vous avez des attentes différentes que, bah, comme je vous connais pas, je peux pas. Et puis par exemple, on a évité de faire un débrief hier soir pour le garder frais pour l'enregistrement. Du coup, j'ai pas le retour de OK, bah pour la prochaine séance, faut que je pense à ça. Peut-être que les joueurs ils attendraient plus que ça. Donc OK, bah la prochaine fois, bougez pas, je vais vous faire un truc qui va vous mais justement, c'est ça, tu vois. Et moi c'est pour ça que je vais le faire parce que de toute façon, de Camille, je le comprends pas parce qu'au contraire, c'est un compliment qu'il vient de nous faire en fait. Mais t'inquiète pas, Romaric, il y a des choses que tu comprendras pas avec moi. Ok. C'est comme ça que tu m'aimeras, tu verras. D'accord, ok, ça roule. Ouais, pas. Bon, en tout cas, merci Gruff d'être venu nous présenter Oltrey. De belles discussions. De longues discussions. Il y a de l'enjeu. Et beaucoup de cookies, rajoute Camille. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Merci. Salut, à bientôt. Le dire, tiens, dis-le dans le micro, je le mettrai à la fin. Allez, moins jouer plus. Voilà. Ouais, mais bon.